avancer sans regretter. Ça va aller. J'ai ma famille, j'ai le smile et j'ai la santé.

flashing them while I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena Venus, flow of genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Take a shot, red light, green light. Give me everything you got, red light, green light. Everybody take a shot, red light. Allez, bonne soirée à tout le monde, on est là jusqu'à 23h, welcome tout le monde. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Ibrantel sur Radio Mixplore. Allez, merci de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, c'est bienvenue tout le monde, en tout cas 21h19, un petit peu plus tard comme chaque mardi d'ailleurs, soyez bienvenus, on est là jusqu'à 23h en direct sur le www.radioxor.fr et il y a Ben qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ben, ça va? Ah, on attend pas son micro, ça va, ils ont bougé tous les micros. Allo Ben. Ça va? Ça va bien toi? Ah, tranquille. Et bah ouais, voilà, Ben qui était là hier soir avec nous, qui fera la rubrique gaming tout à l'heure. Il y a Al qui est avec nous également en direct. Yes. Il y a Tonton Manié qui est avec nous, le grand tour de Tonton Manié qui est avec nous. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bah ça va très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Et on a pas de retour mec. Bah là c'est bon là, t'entends? Bah non, que dalle, je suis pas le seul. Bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, ils vont le faire sans casque. Tant que Manié ça lui va, tant que Manié ça lui va, ça va. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, soyez bienvenue, on aura le top ou flop dans quelques instants, on aura la rubrique sec de Tonton Manié comme on parlait évidemment. On aura le jeu des 5 mots, on aura le sujet du soir, est-ce que vous êtes pour ou contre travailler le dimanche? C'est notre débat évidemment, toute la soirée, c'est le fil rouge d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que Manié a commenté par rapport à ça, on en parlera. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On aura également le canular du mardi, on a appelé Picard avec les morceaux du film Reine des Neiges. Voilà, on parlera évidemment de tous les sujets d'actu. Évidemment, on parlera d'un nouveau jetpack, voilà, qui va bientôt sortir. On parlera de l'effet Kim Kardashian, évidemment, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Kim Kardashian, parce ouais, que ça arrête pas de parler, on arrête pas d'en parler partout. Et juste avant l'antenne, Manié me disait, bah écoute, on va en parler ce soir. Quitte à faire, moi je leur ai volé le cul au lieu de voler les bijoux, ça c'est sûr. Bon, et soyez bienvenue en tout cas. On aura du gros son, des grosses nouveautés ce soir, en ce mardi soir. On a plein de nouveautés qui sont arrivées cet après-midi. On aura le nouveau David Guetta qu'on vous a fait découvrir hier soir. Là. Il est énorme ce son. On a également le tout nouveau Niska également. On était jusqu'au cou. Elle voulait juste le porter. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste le porter. Eh, j'adore ce son. Il motive là. En tout cas, bonne soirée si vous êtes avec nous là. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. Bonne soirée à tous ceux qui vont se coucher là. Et il rentre un peu partout aujourd'hui dans toutes les radios, c'est tout nouveau Black M. Allez, soyez bienvenue tout le monde, l'émission s'appelle Alex Libre Antenne, on est là jusqu'à 23h, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir et puis on démarre avec le son de Son of Legend, c'est une grosse bombe dance floor, ça s'appelle Blues, on est là jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, merci de passer la soirée avec nous et bonne soirée, merci d'avoir choisi Radio Explore. Ah, il est juste énorme ça, la dernière bourne au Sound of Legends. On est en direct là jusqu'à 23h. Merci de nous avoir choisi là. Jusqu'à 23h. Ouais. Alex Librantenne sur Radio Mix Floor. Allez, bonne soirée tout le monde, Alex Librantenne là jusqu'à 23h. On est là ensemble. Il y a Al qui est avec nous ce soir. Yes. Il y a Tonton Manier qui est avec nous. Oui. Et il y a Ben qui est avec nous également. Ouais. Oh là, c'est pas moi. Voilà. Ben qui était content aujourd'hui. C'est qui cette fille que tu m'as parlé? Non, on cache rien aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir en direct. Mais si on cache rien, je suis totalement transparent. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure sur Facebook et tu m'as dit c'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'il y a avec cette fille, Ben? Bah rien. Ah bah si, il m'a raconté. Mais non, il y a rien. Ah bah si, il m'a raconté. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle te connaissait. Hein? Elle m'a dit qu'elle te connaissait. Ah c'est vrai? Il me dit tu connais cette fille? Ah, il monte une fille en photo et puis il me dit apparemment elle te trouve mignon, je sais pas ce que tu m'as dit. Et après tu lui as dit bah non, apparemment tu le connais parce que elle m'a dit je suis pas consanguin. Donc j'ai pas compris en fait l'histoire. Donc ça c'était du Ben cet après-midi en tout cas. Merci de nous avoir choisi pour passer la soirée avec nous. La rubrique sexe tout à l'heure de Tonton Manier, comme on va la retrouver, parce que ça fait 2 semaines que Tonton Manier n'était pas venu. Oui, c'est ça. Ouais, ça t'a pas manqué, ça va? Ah si, ça m'a manqué un petit peu. Mais bon, malheureusement, j'ai eu quelques impératifs. Oui, ça arrive. De mon côté. Ça arrive, évidemment. Le retour, évidemment, du God d'or en jeu ce soir, évidemment, parce que c'est Al qui le détient, ce God d'or. C'est ça, tout à fait. Ouais. Du coup, voilà. Il va essayer de voir s'il va pas le remettre en jeu ce soir. Il l'a bien en main. C'est le meilleur. Tant qu'il l'a dans la main, ça va. le sujet d'histoire. Vous savez que je te la mets pas dans la gueule. Pour au compte travailler le dimanche, évidemment, c'est le sujet. Si vous voulez réagir par rapport à ça, vous nous envoyez un petit message. Facebook, on vous appelle gratuitement. Tiens, on va démarrer cette émission par le jeu des 5 mots. C'est très simple, on appelle un hôtel. Notre but, c'est de caler 5 mots dans une réservation. C'est elle qui s'en charge. Et avant ça, on va prendre les 5 mots de la part de l'équipe. On va commencer, tiens, par Ben. Ben, il va commencer avec un premier mot. On t'écoute. Consanguin. Ok, super. Aucune créativité dans ce qu'il dit, lui. Hein. Donc, consanguin, on va noter parce que là, pour l'instant, il galère avec son casque. Ouais, mais ça va les gars, vous faites le jeu des 5 mots maintenant alors que je suis en train justement de refaire mes branchements. Vous faites pas de ma gueule ou quoi? On voit que Ben il a pris ton casque hier et il avait ta place. Hein. Direct quand tu prends ta place, ça fout la merde. Hein. Espèce d'enculé, tu prends plus ma place toi. J'ai rien touché du tout. Oh là, tout. D'accord, donc consanguin le premier mot, on va noter consanguin. On va noter en deuxième mot, j'ai envie de. Vas-y, bah tonton Manier, dis un mot. Casquette. Pourquoi quoi, casquette? Je sais pas, parce que j'ai enlevé ma casquette à l'instant pour mettre mon casque et ça m'est venu. Et on parle de ma créativité. Hein, on parle de ma créativité. Ta gueule. Ta gueule. Moi je vais dire bout en train. Je sais pas pourquoi. Oh, le truc y a rien à voir pour appeler un hôtel quoi. Bout en justement, c'est le but non? Bout en train. On va prendre un mot de l'équipe d'ailleurs, les petits auditeurs qui sont là avec nous ce soir. Venez en tout cas chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux à venir assister à l'émission en tout cas. Vous avez des mots, vous balancez n'importe quel mot. Ça peut être. Qu'est-ce qu'on a? Piscine. Ah, piscine, d'accord. Oh les gars, mais arrêtez, c'est moche. Bah, c'est facile dans un hôtel de dire est-ce qu'il y a une piscine dans l'hôtel. Enfin, effectivement, en même temps, c'est facile. Bon, une piscine. Et pour terminer, tiens, bah, allez, dédicace à Tonton Magnan, on va dire anus. C'est bien ça. Merci pour la dédicace. Il n'y a pas de problème. Eh, hey, c'est bien. Donc, anus. Alors, donc, c'est quoi les mots du coup? Consanguin, casquette, bout d'entrain, piscine et anus. Non, c'est bout en train, pas bout d'entrain. Bah c'est bout en train, c'est pareil, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est boutan, avec un vrai. T, pas D. Boutan train. Eh bah tu vas dire boutan train quand tu vas parler correctement le français toi. Bah non, t'as c'est... un boutan train. Bah non, bah pour alors peut-être pas, non. Je dis jamais ce mot. Bah là, bah justement, reprends pas sur des mots que tu connais pas, mec, ça le fait pas. Oh là là là. Oh, mais au bout d'un moment. Moi, ça fait 2 semaines que je suis pas là, c'est pas de la mauvaise humeur comme ça, c'est vrai. Bah c'est pas moi. Bon, allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On va se faire le jeu des 5 mots, évidemment, dans quelques instants, le temps que le standard s'allume. Et puis. Ah, ça y est. Non, bah attends, j'essaie de. Tu vois, je viens juste d'arriver. C'est la course. Donc, le temps. C'est la course, c'est la course. S'il pleut, ça va être la course. On va appeler du côté du Mans. On va appeler du côté du Mans, c'est parti. Allez, jeu des 5 mots. On appelle en direct 21h29, c'est parti. Et il y a un train qui passe au même moment. Bizarrement. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, il serait peut-être possible de changer votre téléphone? Je vous entends comme de la merde. Bonne soirée, monsieur. Merci. Ah non, monsieur, en même temps, c'est. Attends, tu veux que je me casse les oreilles? Là, le téléphone qu'il avait, le gars. Il avait un 3310. Pensez à être à Carrefour hein, quand ils font les animations. Hôtel Première Classe, Le Mans Centre-Ville, bonjour et bienvenue. Bonsoir. Nous allons prendre. Hôtel Première Classe, Le Mans Centre-Ville, bonsoir. Oui, bonsoir, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un avec une jolie voix et un téléphone qui fonctionne. Non, non, je dis ça parce que voilà, je viens d'appeler un hôtel, mais c'était. Je me serais cru au supermarché en fait, avec genre les mecs qui sont en train de perdre un gosse et on n'entend rien en fait dans les supermarchés. Donc c'était une petite bouteille, vous inquiétez pas. Donc voilà, je me permets de vous appeler, bien sûr, pas pour faire un tennis, mais pour réserver une chambre. Oui, pour une seule nuit. Normalement oui, mais peut-être deux, mais pour l'instant je vais faire une réservation pour une seule nuit, ouais. D'accord. Une ou deux personnes. Est-ce qu'il y a une grande différence au niveau des tarifs, au niveau du lit? Normalement je suis tout seul, mais bon... En fait on fait que des chambres, une ou deux personnes, c'est les mêmes tarifs que vous soyez... Vous soyez seul ou pas, c'est juste la taxe de séjour qui change. Si d'accord, bah écoutez. Seul, vous en paierez qu'une, si vous êtes deux, vous en paierez deux. D'accord, bah écoutez, mettez un grand lit en fait pour deux personnes, on ne sait jamais alors, ce qui peut se passer dans la soirée. Alors il ne reste que des lits séparés, mais vous pouvez les coller. Eh bah écoutez, ça me va parfaitement, on ne sait jamais. Hein. Ça marche, je prends votre nom. Allô? Allô? Je vais prendre votre nom s'il vous plaît. Oui, monsieur Piscine, mais pas comme la piscine en fait. Il y a deux N en fait, deux N E. D'accord. Je vais prendre le prénom, s'il vous plaît. Jean-Yves. Excusez-moi, j'ai un prénom de merde, hein, mais bon, c'était mes parents. Et, Non, pas du tout. En même temps, ça me convient, comme je suis VRP, donc ça, voilà, ça me donne un peu plus de maturité dans la voix. Ah. Je vois. Ouais, c'est un métier compliqué, hein. Bah, comme le vôtre, hein, mais bon. Ah, vous êtes plus dans la démarche d'aller vers le client, c'est pas pareil. Ah oui, mais vous inquiétez pas, hein, mais je vends un produit qui se vend très bien en ce moment, je vends des casquettes, donc ça va parfaitement, quoi, tout va bien. Bon, de temps en temps, je vous assure que je tombe sur des clients un petit peu consanguins, hein, c'est ça le souci, mais bon, c'est, voilà, comme vous, hein, vous voyez des bizarres un peu tout le temps aussi, c'est pas évident. Tout à fait. Du coup, pour les réservations, là, comme il est 19h passé, j'ai besoin de prendre un numéro de carte de crédit. Ah bah écoutez, je vais... Alors, ne bougez pas, je vais sortir ça de suite. Oui. Hop, le portefeuille est à côté de mon anus, c'est normal, c'est sur la fesse, c'est chiant. On a tous eu le même problème où on galère pour sortir le portefeuille. Alors, hop, voilà. C'est bon pour vous? Oui. Donc c'est le 51-31. Oui. 75-12. Oui. 34-56. 78-90. D'accord. Date d'expiration, s'il vous plaît. Le numéro de carte, il est invalide. Est-ce que vous pouvez me le redonner? Alors, excusez-moi, j'ai dû peut-être faire une erreur. Alors. Donc, 51-31, pardon. J'ai peut-être dit 56, oui. Parce que j'ai failli faire le lapsus. Ah, je suis un sacré bout d'entrain quand même. Donc, 51-31, oui, c'est bien ça. 75-12. Oui. 34-46. Oui. 78-90. Numéro de carte invalide. Oh, c'est pas possible ça. Alors attendez, je vérifie quand même. Parce que c'est la carte de la boîte pour laquelle je travaille, donc j'espère que le patron n'a pas fait le con. En même temps, il habite le Nord, hein. Comme vous disiez, dans le Nord. Un peu des consanguins, quoi. Bon, ça reste mon patron quand même, mais bon. Non, 51, 31, 22. Non, mais écoutez, c'est le bon numéro que je vous ai donné. Hein. Bah écoutez, je vous bloque la réservation jusqu'à 11h, ça vous va? 23h, c'est ça? Ouais. Ça devrait être bon. Au pire, je vous rappelle vraiment pour vous confirmer. Mais, ça marche, on fait comme ça. Mais c'est bon quoi. Donc, on fait comme ça. Ouais, bah comme vous êtes gentil, je vous offrirai une casquette. Voilà. Et comment ça me branler, ouais. Pas de soucis. Pardon ? On fait comme ça, y'a pas de soucis, je vous remercie. Je vois que c'est ici, en partant à toi. Et pourquoi j'entends... J'entends un monsieur... Allô ? Camille sur Bizi. Je pense qu'il y a une deuxième personne sur la ligne, monsieur. Ouais, Camille sur Bizi, ouais. Mais Allô ? Au revoir. C'est con. Oh, t'avais réussi à caler les 5 mots du coup. Mais le pire c'est que je les cale trop vite en fait. Donc au bout d'un moment c'est le mec avait rien capté, hein. Il avait rien capté, j'ai l'impression. Donc c'était un peu fort. Qu'est-ce qu'il y a? Le son il est dégueulasse, hein. Non, il est fort aussi surtout. Ah bah pardon. Bah écoute, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Moi, je non, mais toi, tu peux le régler au mieux en fait. Ah ouais, c'est ah ça. Moi oh, c'est non, moi non, il y a jamais donc. Ben, vas-y. Bon, en tout cas, merci pour la soirée, Aguel, salaud. T'es une bande à Ben de régler son casque. Bon, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Merci Ben. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, on parlera du sujet dans quelques instants. On aura l'embrouille sec de Tonton Manier. Il y aura le top ou flop également. Et puis, on parlera de jeux vidéo, la minute gaming qui démarre dans quelques instants. On aura le canular du mardi. On va prendre des morceaux du film de Reine des Neiges. Et on appellera Picard tout à l'heure. Mais avant ça, on parle du phénomène. Quand je vois des messages, on me dit on va en savoir plus. D'ailleurs, Joujou, il veut qu'on l'appelle ce soir. Kim Kardashian. Alors, je sais que Manier est bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé, Kim Kardashian? Moi, j'ai vu vaguement sur TF1 qu'elle était braquée. Elle a été braquée dans son hôtel à Paris. Et du coup, apparemment, ça allait faire une mauvaise pub pour la France. Alors, je sais pas ce que Manier en pense de tout ça. Ouais, c'est parce qu'elle s'appelle Miss Gros Cul, quoi. Ça y est, ça va faire une mauvaise pub. Faut arrêter de déconner. Bon, elle est baisable. Hein. Bon, aussi. Ah, imagine, tu perds ta tête entre son anus là, tu perds la vie quoi, parce que t'as un manque d'air. Hein. Ouais, bah la gros cul quand même, ouais. Quand même. Ça va, ça se prend. Bah, c'est ce qui fait sa personnalité. Hein. Ouais, bah, voilà. ça se prend. Qu'est-ce qu'elle a fait cette meuf, hein, à part son truc sur reportage en ligne? Elle a rien fait, c'est juste une star de la télé-réalité. Non, elle a fait une sextape, elle a fait la télé-réalité, puis voilà quoi. C'est pas une sextape, il faut quand même minimum connu pour faire une sextape aussi. Mais parce qu'elle avait fait une télé-réalité avant. Et ses parents sont milliardaires, ça aide aux États-Unis. Ah ouais, bah. Ouais. À part que maintenant elle a deux mamans, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est qu'aux États-Unis tu vois ça. Ah, parce qu'elle s'est transformée en femme. Ah. Ouais, c'est. Ah ouais. Ouais, il est tellement thune qu'il s'est fait chier en fait. Et il s'est dit, tiens, si j'enlevais ma bite pour me mettre une chatte. Mais. Donc, voilà. Normal. Est-ce qu'en fait il y a une télé-réalité à elle en fait, l'incroyable famille de Kim Kardashian, c'est ça là, qui passe sur Energy 12 ou W9, je sais plus exactement. Ouais, ça raconte quoi leur vie en fait, c'est ça? C'est de la merde, ouais. Ouais, c'est. Tiens, je me suis acheté un collier à 3 millions que je viens de me faire niquer. Il y avait eu un peu la même chose sur Energy 12, la famille de Nabila en fait. Ça avait été copié sur. C'est exactement le même principe. Qui avait été adapté en France par la famille Nabila, c'est le même principe. C'est... Ouais, mais ça se voit qu'ils jouent en fait, ils sont pas, pas naturels dans leur truc, c'est n'importe quoi quoi. Forcément. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette Kim Kardashian à Paris? Elle s'est fait braquer, c'est ça? Elle s'est fait braquer et voler. Bah, apparemment, j'ai entendu qu'il y a des mecs qui se sont fait passer pour des flics, c'est ça? Bon, je sais ouais, pas, apparemment, elle s'est pris. Mais c'est peut-être un fake, après on sait pas encore, c'est peut-être en cours, j'en sais rien, mais elle avait combien? Elle avait plus de 3 millions. 9 millions, 9 millions. 9 millions de bijoux sur elle. Bizarrement, son garde du corps n'était pas là. Elle habitait dans une résidence qui est connue apparemment de toutes les grosses stars en fait du moment sur Paris. Donc Et elle avait annoncé sur les réseaux sociaux 2 jours avant qu'elle était dans cet endroit précis à cette heure précise. Ouais, mais apparemment c'est un truc sécurisé et tout d'après ce que disait l'hôtel. Mais bon. Beaucoup d'indices quand même pour les potentiels voleurs. Ouais. Et après bon bah voilà, il y avait pas de garde du corps. Il était en train de surveiller sa sœur en boîte. Ouais, une nana comme ça qui a pas de garde du corps en même temps. Oh, c'est les mecs, comment ils peuvent savoir qu'elle était là et tout? Enfin, c'est chaud en fait. Comment savoir dans quelle chambre? Il faut arriver à aller dans l'hôtel et tout. Avec un petit billet, on sait toujours tout. Hein? Avec un petit billet, on peut toujours tout savoir. Ouais, là, vu ce qu'il y avait à piquer, c'était, je pense que c'était un gros billet. Hein. C'est en plus, ils sont partis en vélo. Hein. C'est Jean Tassanao GTA. Hein. tu vas faire un braquage, tu prends 9 millions, tu repars en vélo en mode incognito. C'est pas mal. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est incognito. Et ils ont chopé les mecs. Ah, c'était peut-être la journée sans voiture à Paris, c'est peut-être ça, non? Ouais, c'est peut-être ça. Ils les ont chopés sans mec et sur. Ah bah bien sûr que non, les gars ils se sont barrés. Non. Ah mais ils ont pas réussi à les choper? Ils sont partis sur Los Santos là. C'est comme un Marseille. Comme dans Taxi là qui faisait l'attaque des Pères Noël, ça a été le même principe. Exactement. C'est ça. Non, mais... c'est, quand tu réfléchis, c'est un peu le même scénario. Gros. Ouais, c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre quand même, mais bon. Les mecs ils piquent 9 millions de bijoux quoi, ils se barrent en vélo. Enfin, surtout normal. Ce qui me paraît le plus bizarre, c'est qu'ils piquent 9 millions, ils attachent Kim Kardashian et puis il la viole pas ou il la baisse pas quoi. Après peut-être plus sans maquillage gros, ça fait peut-être peur en même temps. Enfin, c'est bizarre quand même. Enfin, t'attaches Kim Kardashian, tu lui demandes une petite. Ah, mais imagine le mec il avait la dalle et si t'as 10 kilos de cul, de fesses à bouger de chaque côté pour. Ouais. C'est un peu compliqué quand même. Alors justement, j'ai quelqu'un qui voulait réagir par rapport à ce phénomène Kim Kardashian, parce que maintenant on accueille les auditeurs avec nous. Allo, on a quelqu'un avec nous? Ouais, salut. C'est Jojo. Alors Jojo qui a un peu harcelé depuis tout à l'heure, je souhaite réagir aussi. Merde, bande d'enculés. Non, information qu'on a eue il y a attends, j'ai l'impression de retour au direct avec BFM TV tout de suite. Nous avons Fred qui est avec nous sur le terrain. Fred. Oui. En fait, parce qu'on est mais pas le son parce qu'on a un décalage hein, parce que j'ai mon truc. C'est pas moi qui mets le son, c'est t'arrêtes la radio derrière, t'es con quoi. Coupe la radio derrière. J'abaisse toi. La radio. Ouais, coupe la parce radio. Qu'on a un décalage. Juste une info qu'on a eue il y a une heure à peine de ça. En fait, apparemment, c'est un fake. En fait. Voilà. Tout a été manigancé. Je rappelle que les agents de sécurité de Kim étaient. Enfin, un des agents était en boîte avec sa sœur. quand on a une grosse somme comme ça, on se permet pas d'aller droite et de gauche. Donc oui, apparemment, c'est un fait que c'est, ça vient des États-Unis. Hein. Ah d'accord, donc, ouais, voilà, mais c'est ce que je disais en fait. Donc ouais, bah Kim, si tu peux éviter de nous faire une mauvaise réputation déjà avec les terroristes, c'est un peu le bordel. Donc est-ce que quand même partir en vélo. Alors en même temps, ça aurait dû être mon coup de gueule de demain, mais malheureusement demain je ne serai pas forcément présent. Mais mon coup de gueule, c'est aussi de se dire, il faut qu'elle arrête de dandiner son cul sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, pour dire à quel endroit aller, etc., etc. Donc oui, effectivement, elle s'est fait piquer du pognon. Je tiens à dire quand même précisément, je vais rapidement. Calme-toi. Il faut pas oublier qu'il y a deux personnes qui se sont suicidé le jour où il s'est passé ça et qu'on n'a pas fait la une des journaux par rapport à ça parce qu'ils avaient du mal à payer leur loyer, etc. Donc je suis désolé, moi cette grosse pouf, cette grosse pute, elle n'a pas à avoir sa place. Donc je suis vraiment désolé, la meuf elle s'est fait biquer sa bague de fiançailles à je sais pas combien de milliers d'euros, on n'en a rien à foutre quoi. Il arrive à un moment donné, stop. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais Jojo, comment t'es énervé, c'est que Kim, hein. Mais moi j'ai un truc, j'ai un deuxième coup de gueule. C'est que tu vois tous ces snaps et moi elle m'a même pas accepté sur Snap. Ouais. C'est dégueulasse. La honte. Ouais, non, mais c'est. Bah, moi, m'a accepté sur Snap, c'est une grosse salope. C'est comment ça me branler, donc, ouais. Non, mais il faut aussi comprendre que. Oui, elle s'est fait. Oui, c'est dur de se faire braquer, etc., etc. Mais moi, je dis que c'est un fake parce que je suis désolé, elle est entourée de mecs qui sont baraqués de sécu. Et pour finir, non. Il y avait personne qui était là pour la protéger, donc c'est un fake. C'est sûr et certain, on en parle là actuellement. Il y a aussi un gros problème. Il y a aussi un gros problème, c'est qu'elle est dans une résidence de star qui est censée être protégée aussi à la base. Et les mecs rentrent quand même. C'est bizarre quand même, Jojo, tu trouves pas ? Ouais, non, mais je te dis, c'est que de la com, c'est que de la pub, c'est que de la merde. En fait, elle nous fait chier. Elle nous fait chier. Qu'elle dégage dans son pays. Donc, Jojo, t'es en train de nous dire qu'elle est en train de nous prendre pour un con, là. Elle est en train de prendre la France pour. Ouais, elle nous prend pour des cons, quoi. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'aux États-Unis, mais je t'assure, aux États-Unis, même les Américains disent qu'elle fait du n'importe quoi. Parce que c'est de sa faute ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Et que c'est elle qui a tout manigancé. Okay. Excuse-moi, elle a toujours été entourée d'agents de sécurité. Là, elle s'est fait agresser. Il n'y avait pas un agent de sécurité. Mais en même temps, elle a démarré comme ça aussi. Elle a démarré par faire du buzz. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, en tout cas, mais merci Jojo d'avoir été avec nous là. Bonsoir Jojo. Bonsoir Jojo. Les gars, je vous écoute et je fais un gros bisou à la fesse droite de Tonton Manier. Je l'adore. merci. Tonton Manier nous a fait. Et tu me manques, Tonton Manier. J'ai envie que tu m'insultes. Ça marche, ça reviendra bientôt, enculé. Voilà. Je vous fais des gros bisous, on vous écoute. T'as envie de faire baiser. Voilà, il t'a insulté. J'ai envie de me faire baiser. Il t'a insulté. Allez, bonne émission, les gars. Allez, salut. Hein. À très bientôt. Ciao, salut. Ciao, Jojo. Ouais. Allez, on direct, évidemment, on sera Black M. Ça ira dans moins de 3 minutes, reste avec nous. Ah, ce fameux Jojo, j'avais l'impression d'être à BFM TV lors du direct. Ouais, puis en plus, avec le bruit de son téléphone derrière, ouais, t'étais en plein cœur de l'action. Ah là là, bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h, on parle de sexe dans moins d'un quart d'heure. Mais avant ça, Niska, pour son titre, elle avait son Joe. Bonne soirée. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Tu l'as cherché, mais elle avait son Joe. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur. Sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre. Sinon le tien va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu, mais tu veux te marier. Elle voulait le papier. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Tu l'as cherché, mais elle avait son Joe. Mais t'as fait le sourd, maintenant à cause d'elle, endetté jusqu'au bout. papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son nom. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son nom. Elle voulait juste des papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son nom. Elle a quitté le foyer. Et tu l'as cherché, mais elle avait son nom. Énorme ce son. Merci de passer la soirée avec nous. La dernière bombe de Niska à l'instant avec Elle avait son Joe en featuring avec Maître Gims en direct évidemment là jusqu'à 23h, bouge pas. On se fera également la dernière bombe de David Guetta évidemment tout à l'heure. Reste avec nous, en tout cas on est là jusqu'à 23h, on bouge pas. On va parler notamment de la soirée Red Mix Floor qui se passe à l'Inox Club. Ça se passe le samedi 15 octobre. Soyez connectés en tout cas à l'Inox Club, notre boîte partenaire, notre discothèque partenaire. Ça se passe du côté de Route de l'Industrie à Gravelines. Pour ceux qui ne connaissent pas, plus d'infos évidemment sur la page Facebook Red Mix Floor et directement sur la page Inox Club. Rendez-vous samedi 15 octobre pardon, pour la soirée Red Mix Floor à l'Inox. Mais avant ça, je voulais parler d'un nouveau jetpack. Ça vous est jamais arrivé évidemment d'en jouer dans GTA, le jetpack, tu vois, oui, ce que c'est le jetpack, ouais. Ah non, du tout, non. Jamais joué à GTA. Ah bah voilà, jetpack, et bah pour la première fois, ils vont sortir un jetpack, enfin, ils vont le commercialiser en tout cas. Et devine à quel prix. Alors, un truc quand même que j'ai regardé à la vidéo, hein, ils ont parlé à TF1 en plus samedi, 10 minutes d'autonomie seulement, mais par contre, vous pouvez jusqu'à 160 km/h, donc c'est quand même déjà pas mal, je pense. Donc, à votre avis, dites-moi un prix pour ce jetpack. Moi, je me suis dit, bon, allez, ça va coûter une blinde, mais pas. 500 000. Oh, enfin, abuse pas non plus, ah, 500 000 quand même. Ah, tu parles en vraie thune là ou en thune En thune GTA. Non, mais le truc il va vraiment sortir, vous allez pouvoir l'acheter. Il, GTA, sort dans, sort dans 6-7 mois, je pense. Le jetpack, c'est que les gens pourront acheter un jetpack. Et pourront. Mais vu le prix, vous allez voir que du coup, à ton avis, 500 000 toi, non, c'est un peu moins. Un peu moins, d'accord. Non, mais tu parles du vrai jetpack pour mettre sur ta bagnole ou un truc juste pour le jeu quoi? Parce que là, je te suis pas là. Non, là, il parle d'un gros. D'accord, ok, là, tu sais, il se fout de ma gueule, mais en fait, il sait même pas ce que c'est. Mais tu sais pas ce que c'est un jetpack. Vas-y, bah, c'est quoi un jetpack, vas-y. Hein? Bah c'est une amélioration pour jouer, connard, tu me prends pour un con quoi. Ok, là tu dis stop là non plus. Bah, un jetpack, ok. Tu sais pas ce que c'est un jetpack? Non, pas sûr. Bah alors. Ça va. Un jetpack, c'est un truc, c'est un truc qui permet dans ton dos et qui permet de voler. Avec deux propulseurs. Bah ouais, donc vous le faire, t'as jamais vu ça? Ah, un jetpack? Oh, c'est bien ce que c'est dit, un jetpack. Ah ouais, non. Ouais. Ah si, je dis ça. Oh, mais ok. Ouais. Ah, à votre avis, à quel prix? Bon, 150 000. Oh non, un peu plus. Ben il vient d'arriver, il était chié. 212 000. Non mais pourquoi 212? À ton avis, un jetpack qui vont sortir, ils vont le commercialiser, à ton avis à quel prix? 230 000. Ah, on est pas loin. On est pas loin, un petit peu plus. Bon, 245. Non, 300 000. Oh. 300 000 euros. Ça durait de 10 minutes d'autonomie et ça va quand même jusqu'à 160 km/h. Donc ils leur disent que voilà, ce sera que des gens riches qui vont pouvoir se l'acheter. Merci, et ils vont surtout s'en occuper, ils vont surtout le commercialiser auprès de l'armée qui va pouvoir, et ceux qui gèrent les côtes, en tout cas même sur Calais, peut-être qu'ils vont, je sais pas si Calais va d'avoir, mais en tout cas ils disent qu'ils voudraient s'en occuper pour les plages. Oh, on va enfiler pour les migrants pour traverser pour traverser jusqu'à. Bah 10 minutes d'autonomie, putain, la terre allait vite. Bah non, mais 10 minutes à 160 km/h, t'en as assez. 160, ça va. Hein. Impeccable, il y en a assez juste. Avant, t'avais les overcraft à Calais, ouais, c'est au pire, il ouais, juste bien, impeccable. Ouais, ok. Bon, bah, en tout cas, ça va sortir. Je crois qu'ils ont dépassé. On vous en fera gagner ici. Le patron. Lui, sort, fait gagner un jetpack. Bon, reste avec nous, en tout cas, on est là jusqu'à 23h, on bouge pas. On se fait la Rubik's Sex de Tonton Manier avec le God d'or remis en jeu comme chaque mardi soir. On aura le pour ou contre travailler dimanche, et notre sujet, notre fil rouge de l'émission jusqu'à 22h. Le canuaire du lundi, je me suis trompé en fait. Le canuaire du mardi, je me suis trompé. Ce soir, en fait, on a appelé. C'est celui de demain avec la Reine des Neiges. Ce soir, on a appelé EDF avec Retour au Futur. Si vous connaissez Retour au Futur avec le doc, et ben, on a appelé Retour. Enfin, on a appelé EDF. Voilà, en tout cas, reste avec nous, on est là jusqu'à 23h. On sera la Minute Gaming également avec Ben, avec pas mal de sorties jeux vidéo cette semaine. C'est pas vraiment des sorties, c'est une démo. C'est de l'info, c'est de l'info. C'est de l'info. L'info jeu vidéo. Voilà, bah pourquoi, ouais, minuit, c'est l'info jeu vidéo. Bon, reste avec nous en tout cas, on est là jusqu'à 23h. On se fait ici dans moins de 3 minutes. À tout de suite, les amis. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Tom Brave, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres, le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot, et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout, et surtout ailleurs. Mythique, Voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. Trois salles, trois sons, trois ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. La dernière bombe aussi à l'instant en direct hein, jusqu'à 23h on est là. Merci de passer la soirée avec nous, hein, ça fait plaisir là ce soir. Jusqu'à 23h. On est là jusqu'à 23h, merci de passer la soirée avec nous. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Demain il y en a qui se lèvent tôt évidemment. Bon courage à vous, bon courage à tous ceux aussi qui partent travailler là ce soir. En plus à 22h il y a beaucoup qui s'embauchent. Bon courage également à tous ceux qui sont sur la route. Long retour de l'application Radio Mixplore dès demain ou jeudi si je dis pas de bêtises. Ça nous allez pouvoir avec une nouvelle interface, vous pouvez avoir plein de choses, en tout cas envoyer des ICAS, etc. Ça sera dans quelques jours. Mais avant ça, il y a Al qui est avec nous en direct. Il y a Tonton Mani qui est avec nous ce soir. Et puis il y a Ben qui est avec nous également. On est ensemble jusqu'à 23h. Tiens, on va se faire la Minute Gaming avec Ben, les infos de sorties jeux vidéo cette semaine. On t'écoute. Ben, qu'est-ce qu'il a manié? Il a investi, moi je suis sur une feuille A4 brouillon Carrefour. Ouais, il a investi, il a investi. Est-ce que c'est grand, grand carreau ou petit carreau? Il a gagné à l'inox, c'est celle-là? Ah, lequel? C'est celle-là? Ah, c'est la tablette! Ouais, il a gagné à l'inox. Il a eu de la chance, hein. Ah, donc il a pas investi. Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Ah, ça calme mal, hein? Ah, la belle tablette, hein? Ouais, monsieur, elle est tablette, hein. Eh, je te jure, tu l'avances sur le bon coin, fume patate en plein. Ouais. C'est ce que je voulais faire au départ. Puis bouge. Bah, tiens, fume. Pour prendre un abonnement fut. Ah bah attends, c'était son anniversaire, c'était son cadeau d'anniversaire. Attends, puis c'est pas moi, c'est Linux hein, qui l'a offert. Du coup, on t'écoute, hein, info jeu vidéo. C'est parti. Je m'en étouffe. Je vais parler de la démo Outlast. Ah, c'est quoi ça? Ah, je connais, moi je connais. C'est vrai, c'est quoi? C'est un mec qui lave les vitres. C'est un peu un jeu d'aventure, mais t'as pas à frapper. Mais c'est un genre, t'es dans une maison hantée, tu dois te promener, avancer. Ah ça ouais. Te fait un peu chier dans ton slip quoi. Mais t'as pas de coups à mettre, etc. Tu dois esquiver les morts vivants et tout. Ah ouais, d'accord. Ça ah ouais, fait flipper, ça fait flipper. T'as pas utilisé d'armes ni rien? Non, non, non. Ah ouais. Bah, moi la dernière version à laquelle j'avais joué, c'était ça. Ok. Non, y'a pas d'armes. Y'a pas d'armes, non. Ok. Et la démo est sortie sur PS4, mais elle va sortir dans les jours à venir sur PC et Xbox One. Ah, c'est un premier jeu, c'est jamais sorti non, auparavant. Si, il y a déjà eu des versions antérieures. Ouais, mais là c'est la démo, c'est le 2. Ah, c'est le 2, t'as pas dit le 2, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Si, j'ai dit Outlast 2. Ah, ok, bon, pardon, toi pour moi. Donc, c'est le 2, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté du coup dans ce jeu? C'est pareil en même temps. Tu sers pas d'armes en fait. Ouais, c'est les décors en fait qui changent. Je l'ai pas encore testé. Non, en fait, donc, moi je le connais, le 1, je l'ai fait. En fait, t'es, par exemple, dans le 1, c'était dans une maison hantée. Ouais. Tu devais progresser dans la maison, et par exemple, dès que tu voyais un monstre, t'avais genre une armoire, tu devais te cacher dans l'armoire pour pas te faire attraper par le monstre. Ah ouais, j'ai déjà c'est vu ça. C'est un jeu à suspense ah, en fait. Ouais, c'est d'accord. Squeezie a déjà fait des vidéos dessus. C'est hein plus un scénario. Squeezie, c'est fait... ça, j'ai déjà vu sur Squeezie sa chaîne. C'est un scénario film okay, en fait, ouais. C'est plus du film en fait, c'est du jeu mais. C'est plus de. Ah ouais, ok, ouais. Tu, en fait, tu dois choisir à chaque fois. Tu dois ouais. Choisir si tu dois partir à gauche ou à droite sur un truc par en fait. Par rapport à ce que tu vas faire, si tu caches pas dans l'armoire, tu vas te faire buter. Tu ouais, dois c'est ça. Ah oui, putain, c'est pas mal en fait comme jeu ça. Ouais, putain, j'ai Squeezie. En fait, j'avais fait une vidéo sur ça. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant en fait. Ouais, c'est palpitant en fait. Faut y jouer au soir surtout. Ouais, bah, t'es dans le noir. Et dans le noir, avec un casque. Ouais, ouais, j'ai vu ce que t'entends des bruits au loin et tout. Tu sais pas du coup partir. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, tu sais pas sur quelle la version c'est. Enfin, sur quel décor c'est la deuxième version. Je sais pas du tout. Je l'ai pas encore testé. On rappelle le même délire aussi. Peut-être dans la nature. Voilà, d'accord, ok, donc la suite des infos jeux vidéo. Et comme j'en avais parlé il y a 2-3 semaines, Activision va sortir 2 Call of Duty au lieu d'un. Ah, donc c'est confirmé? C'est confirmé. D'accord. Okay. Ils vont sortir 2 CD. 2 CD. Ils vont sortir Infinity Warfare et le remasterized de Modern Warfare. D'accord, ok. Yeah. Bah, ouais. Et ça sort le 4 novembre. Et ça toujours du lourd. Et du coup, ça, bah, du lourd niveau du porte-monnaie aussi, quoi, parce que c'est cher, non? Je pense que, bah, je pense que bah, chaque jeu doit être à 70 balles. Ouais, je pense que chaque jeu doit être à 70 balles. Ils vont peut-être faire un pack à 90, un truc comme ça. Il y a déjà le pack. Le pack, il est à 100€. Mais beaucoup de avec gens. Les deux? Ouais, les deux. 100€? Ouais. Mais sachant qu'après, il faut toujours rajouter, si tu veux, les nouvelles cartes, les nouvelles ouais, armes, il faut acheter le saison pass qui est à 60€ aussi. Ouais, je suis à 150 balles, quoi. Ouais. Ah d'accord, ok, c'est carrément cher quoi. Pour ça les gars, restez sur PC, vous pouvez tout craquer après la sortie, bon, vous êtes bon, tranquille. On parle que de l'égalité ici. Ah oh, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on parle que de l'égalité. Ouais c'est ça. Mais bon, tu sais sur les PS4 tout en ça, même temps craquer, on parle du logiciel radio quoi. On parle bah, le logiciel radio il est gratuit. Ah mais bon il est gratuit le logiciel. Ah oui avant oui. Mais puis maintenant nous sommes passés à l'égalité. Mais nous sommes contrôlés. Qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon les PS4 tout ça, ça peut être non façon, je crois que la PS4 etc. Il n'y a pas encore possibilité de la craquer ou la première, la toute première, oui. La première, ouais. Mais voilà. Après, après, ça devient de plus en plus compliqué à craquer tout ce qui est PlayStation, Xbox. Après, PC, ça reste, je pense, pour quelqu'un qui s'y connaît, ça reste facile. Mais la PlayStation, etc. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est mais compliqué. On peut craquer quoi par le PC, finalement, en termes de console? Bah, là, comme il dit Ben, la première PS4, soi-disant. Ouais, après, les dernières, on n'a pas d'infos pour l'instant. Je pense qu'il n'est pas possible après, de les craquer. Après, t'as les Xbox 360, les PS3, ouais. Les DS. Ah. Les tout ce qui est démodé, quoi. J'ai ouais, craqué voilà. Une Master System 2, gros. Putain, oh le bordel. Bon, la seule que j'avais craqué, c'était ma PS1. J'avais 200 jeux gravés. Je les vendais 2€ dans mon quartier. Moi, j'ai craqué toutes mes consoles. Ouais, je l'ai gravé chez moi et je les revendais dans le quartier. Moi, j'hésite à craquer mon smartphone, moi, mon iPhone. Moi. Tu peux craquer même les Samsung, tout ça. Maintenant, ouais, tu peux les craquer, tu vois. Mais j'hésite à faire ça. Bah, t'as tu peux les jailbreaker l'écran déjà. Ah ouais, j'ai craqué l'écran tu déjà. Tu peux les jailbreaker. Hein? Les jailbreaker. Ouais, craquer, ouais. Ouais, c'est ça, jailbreaker. Ouais, expression qui n'est plus utilisée depuis 1912. C'est risqué aussi, ça, tu vois. Il faut savoir le faire aussi, ce truc-là, parce que si tu le loupes. Il est plus garanti après, forcément. Mais en parlant d'écrans cassés là pour tous ceux qui sont des iPhones etc comme moi d'ailleurs on a parlé avec Geoffrey hier après l'émission d'Arty qui vont sortir des kits de réparation pour Samsung et iPhone à carrément moitié prix et pour les il m'a dit que c'était pour les écrans d'iPhone 40€ pour changer soi-même son écran. Ah ouais bah vas-y mec vas-y colle ton écran il est collé au tactile sur iPhone. Hein? Ton écran. Sur les Samsung aussi t'as ça dépend lesquels en fait c'est carrément de la merde.

On est là maintenant, on va parler de cul en direct là. Il y a Ben qui est toujours avec nous en direct là. Il y a Al qui est avec nous. Ouais. Il y a Tonton Manier, qu'est-ce qu'il y a Ben? Qu'est-ce qu'il y a Ben en fait, si j'ai bien compris, il avait. Attends, si j'ai bien compris, alors on va expliquer un petit peu ce qu'il a voulu faire l'homme. C'est que Tonton Manier là, il a une cigarette électronique. Voilà, mais sauf qu'apparemment elle est dosée forte. Et du coup, apparemment Ben. Ah, c'est dosé pour les mecs. Hein. Ouais, voilà, et Ben apparemment a voulu en prendre juste avant la musique. Et puis finalement, ah, ça a donné ouais. Ce que ça a donné quand il s'est présenté, c'est qu'il a toussé. C'est fort? À fond. Tu peux réessayer ou pas? Vas-y, réessaye en direct pour savoir si c'est vraiment fort. Voir si c'est fait pour les mecs. Vas-y, attends. Il va réessayer. Ah, vous l'entendez? Il crame un souci. Oh là, quel sale. Bon, reste avec nous en tout cas. Ça va, Ben? Là, il va plus s'en sortir. Ah, là. C'est bon. Ta mère l'écoute là? Comment il est ta, mère, va m'envoyer un message, va dire putain, elle est tranquille pour mon fils. Hein. voilà, donc, en direct jusqu'à 23h maintenant, c'est parti 22h07. Vous l'attendez, cette rubrique comme chaque semaine. C'est la rubrique sexe de Tonton Manier, avec évidemment le god ouais, d'or. Manier, ouais. Avec le god d'or. Tonton Manier, fais attention à ce que tu dis, parce que le Tonton Manier, pas de problème. Avant ça, ta petite musique comme d'habitude? Bien entendu. Ok, bon, c'est parti. Ah merde, j'ai oublié de la réviser. C'est facile. 1, 2, 3, 4. Tonton Manier. C'est qui? Tonton Manier. C'est lui. Tonton Manier. Voilà. C'est parti pour la rubrique sexe de Tonton Manier. Oh oui. Je vais commencer avec des questions très intellectuelles. Alors, explique un petit peu le principe de la rubrique sexe, c'est qu'il va poser des questions au chroniqueur et enfin moi qui évidemment ici autour de cette table. Chaque semaine, il pose des questions et chaque semaine, il y a un classement de faits en direct et il y a le god d'or qui est remis en direct. Alors pour l'instant, le classement, il fait que Al est premier de ce classement. Tu m'étonnes. Donc voilà, en tout cas, est-ce qu'il sera toujours premier ce soir? Telle est la question, c'est parti, la rubrique sexe de Tonton Manier. Donc là, je vais commencer avec des questions très soft, et puis comme vous me connaissez, vous commencez à me connaître depuis quelques temps, je vais partir sur de l'insolite et du un peu plus gore. Du cred. Comme donc, vous si vous avez moins de 18 ans, allez vous coucher tout de suite, hein. Autant vous dire ça comme ça. La première question. L'homme le fait 7200 fois au cours d'une vie. Se branler. Quelle est la question? Se masturber. Quelle est la réponse, pardon? Se masturber. Non. Combien t'as dit? 7200 fois au cours d'une vie. Se toucher les couilles? Non. Ah merde. Se gratter les couilles? Non. Se gratter la teub? Non. C'est par rapport à quoi au cul? C'est pas avec légumes, c'est avec sexe. Non mais par rapport à une relation sexuelle ou bah, que pour lui? Ça peut être sexuel, ça peut être avec un partenaire, ça peut être seul, ça peut être l'homme le fait 7200 fois au cours d'une vie. Je me fous d'un dos dans le cul. Éjaculé. À combien? 7200 fois au cours d'une vie, sachant que 2000 fois sont faites par masturbation. Donc 7200 fois. Oh bah putain, il a pas eu ma jeunesse, hein, parce que moi. Et 2000 fois par masturbation. Ok. Moi de 14 ans, 17 ans. J'étais déjà à 4000 moi. J'ai déjà niqué les 2000 fois facile. Ah bah il est déjà à 4000 là, on va sur Mais il est toujours en mode manuel aussi lui. Bon, on continue sur le soft. Hein. L'homme en a en moyenne 11 fois par jour. J'ai pas entendu quoi? L'homme en a en moyenne 11 fois par jour. Des érections. Bonne réponse. Attention, Ben arrive en compétition. Donc l'homme en a parfois jusqu'à 11 par jour et 9 la nuit. Celle du matin? Ah, la nuit, ouais. Avec tout ce qui connaissez celle du matin? Ah, celle du matin, quand tu l'as en dessous de la gorge là et que t'as du mal à te réveiller, là tu te demandes ce qui se passe. Est-ce que ça vous est déjà tous arrivé en tant que mec? Et moi c'est chiant quand ça arrive, c'est que t'as la trique, mais sans que tu le demandes. C'est que ça t'arrive comme ça, des fois, ça t'as la trique, ouais. Et c'est chiant parce que t'as pas envie d'avoir la trique, tu vois. Et genre t'appuies, tu forces un peu, tu vois, j'ai une anecdote par rapport à la trique du matin, enfin une explication que je sortais à certaines filles quand à l'époque où j'étais célibataire, qui était moche. Donc une fille qui était moche, je lui disais, écoute, la seule chance que t'es pour que je te prenne, c'est avec la trique du matin. Oh le salaud. Ouais, là t'as pas besoin d'y penser, c'est naturel. Quel salaud. Ok, d'accord. Bon. Là, on va partir un peu sur les questions un peu plus insolites et les questions un peu plus gore. Si Allons-y. Je tiens juste à rappeler que j'ai deux bonnes réponses. Non, là, c'est pas une seule, pardon. Vous êtes d'égalité pour l'instant, monsieur. Tu crois que piquer mon god d'or ou quoi? Vous êtes prêts? Kiquet d'or, c'est moi. Que font les hommes de la tribune Walibri qui viennent d'Australie pour se dire bonjour? Ah, ils s'enculent. Non, il se fout du sable dans le cimetière. Non, non, non. Il se serre la bite. Oh oui. Bah ouais. Il se serre la bite. Eh, t'as vu que, c'est pratique de regarder des reportages sur Arte en pleine nuit. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire que ce n'est pas possible. Toutes mes questions ont été certifiées. J'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai dit que c'est pas possible par rapport à lui. C'est pas possible, il sait tout lui. Mais parce que moi, je suis quelqu'un de culturel. Moi, j'ai un piston entre les tontons. Il a déjà été en Australie dans cette colonie. Exactement. J'ai été visiter Sydney là, juste pour m'acheter un boomerang. Et donc, prochaine question. C'est vrai en plus. Qu'est-ce que la formicophilie ? C'est quand t'as les fourmis qui te rentrent dans le cul. T'as les fourmis aux couilles. Non, mais c'est un rapport avec les insectes. Hein. Je préfère vous le dire. C'est quand t'as des vers au cul. T'as des vers au cul. Hein. Non, c'est un rapport avec les insectes, mais c'est pas. Ah. C'est quoi, t'as les petits poissons de. Ah, un mec qui se tape des insectes. Qui se tape des insectes. Je vais donner le point à Alexis parce qu'en fait la réponse c'est un intérêt sexuel envers des petits insectes ou l'idée d'avoir des vers qui rampent sur son corps pendant une relation sexuelle. Oh là là. Mais comment tu peux te taper un grillon, mec? Mais c'est impossible. Imagine le mec, il a des. J'ai pas dit qu'il se rentre des vers dans le cul. J'ai pas dit nuance. J'ai pas dit que c'était avoir une relation avec un insecte. C'était avoir une attirance pour les insectes ou l'idée d'avoir des insectes qui rampent sur son corps pendant une relation sexuelle. C'est pas la même chose. Dégueulasse. Bah ouais, mais avoir une attirance pour les insectes, être fasciné par les insectes, ok, mais là, les prendre ou. Pourquoi t'es fasciné par les insectes ? Hein ? T'es fasciné par les insectes ? Ouais, pour les bouffer, ouais, mais pas pour les enculer ou me faire sucer la bite par un grillon, quoi. Par exemple, si tu veux ce que je veux dire, en fait, c'est que les vers, des fois, ils se les rendent dans le cul, quoi. Pas forcément, non, c'est quelqu'un qui a une relation avec une femme ou avec un homme, on s'en fout. Et puis, il aime bien avoir des vers qui rampent sur son corps pendant sa relation sexuelle. Ah ouais ? Ah, c'est ça. Mais c'est dégueulasse, quand même. Et puis, qui peuvent, bien entendu, rentrer par plusieurs orifices, ou est-ce que je veux dire. C'est spécial. Chérie, ce soir, je t'ai fait le coup de la fourmi royale. Vous dire que Fort Boyard, avec leur jeu, a fait manger des insectes qui sont à côté de la plaque pour l'instant. Ah, hein. C'est spécial. Moi, j'ai encore deux questions. Là, on continue à aller dans le plus en plus insolite, le plus en plus gore. Ah, pas un pour chacun. Non, deux. Non, j'en ai deux, s'il te plaît. Tu te calmes. Comment punissait-on l'amant d'une femme dans la Grèce antique ? Il coupe la bite. On lui coupait la bite ? Non. On lui brûlait le gland ? Non. On lui trempait le gland dans l'huile chaude ? On lui coupait les couilles ? Non. On lui tendait sa bite ? Non. Petit indice, on faisait ça en public. Bah, on le fouettait. Non. On le scalpait. On scalpait ses couilles. Non. Vous êtes un peu trop gore, c'est pas ah si, bah je sais pas, tu m'as dit en mode oui, gore. Oui, non, mais c'est pas si gore que ça. C'est. On le masturbait en direct. Non. On le mettait tout nu. Je vais vous donner un indice. On le fouettait le cul avec des lianes. Je vais vous donner un indice. Donc c'est la réponse un peu plus soft. Attends, c'était. Excuse-moi, je te coupe, oui. Mais il y a juste Fred qui me dit je suis en train de parler à André, la mère de Ben, pour avoir du dossier sur les soirées. Ah, pendant l'aerobic sexe, c'est bizarre. Bah ouais, il est en train d'écouter en tout cas. Donc en fait, il y a deux réponses possibles. Je vais vous donner la première et vous avez qu'à trouver la deuxième. Donc la première, c'était on l'épilait devant tout le monde. Intégral. Ah ouais. Mais ça, c'est soft. Hein. Ah bah carrément. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on. qu'on pouvait lui fourrer quelque part. On lui met un goutte dans le cul. Non, mais vous allez pas trouver. Hein. On lui fourrait quelque chose dans l'anus, mais je pense que vous allez pas trouver. Un légume. Allez, je vous donne. Un légume. Allez. Un légume grec. Un concombre. Une banane. Un légume grec. Un melon. Non. Une courgette. Une pomme. Attends, un légume grec, laisse-moi. Pas forcément un légume grec. Allez. Un maïs. Une carotte. Non. C'est pas grec. Attends. Qu'est-ce qui est grec ? Je sais pas, moi je suis pas spécialiste de me fourrer des trucs dans le cul quoi en même temps, les gars. Je sais pas, Bon, si tu me dis qu'on va galérer à trouver. Un poireau ! Bon, mais un poireau c'est pas grec. Mais non, mais un poireau. Bon, poireau, je vous laisse encore une réponse chacun et puis après je donne la réponse, personne n'aura de point. Alexis ? Je veux une pastèque. Pastèque dans le cul. Il avait intérêt d'avoir un sacré anus. Eh, on dit un légume déjà. Il a dit une pastèque, un légume. Ouais, je sais pas. Ah, il a dû avoir un sacré anus. Bah, je sais pas. Dans la Grèce antique, bah, j'en sais rien. Ouais, allez. Bah, je sais pas. Vas-y, Ben, le temps que je réfléchisse. Bah, je sais pas. Attends, je vais réfléchir. Dans la Grèce antique. Ouais. Un radis. Ah ouais. C'est ça, mais j'aurais pas trouvé. Ça, je dis, c'est très, très, très, très compliqué. Ouais. Un radis dans le cul ? Un radis dans l'oignon, ouais, en public. Bah, ça va, c'est pas, ouais, trop, c'est dans pas très gros. Ouais, ça devait faire une bonne soupe. Moi, derrière, quand on avait quelques P, c'était naturel. Mais qui pouvait faire une soupe. Ouais, c'est eux qui ont inventé le suppositoire, parce qu'un radis, c'est pas très grand. C'est le producteur de la soupe au chou. Avec un peu de sel et du beurre ou. Bah, j'ai pas l'information, je pense que c'était à sec. Ok, ah ouais, sec. Ah, c'est peut-être ça aussi. Bon, j'en ai une petite dernière. Bah, allez, pour petite la route. Dernière, ouais. Un espagnol prénommé Lopez a la particularité. Attends, je te coupe, mais oui si je comprends bien, si Ben là ce soir marque ton point, ils sont en égalité. Ils sont en égalité. Et là, il va falloir trouver une question directe. Je peux vous inventer une. Et là, on jouera à la couille en or. On jouera à la couille en or. Mais bon, je pense que sur cette prochaine question, ça va être compliqué. Il va y avoir une réponse assez rapide. Ah bon, c'est parti. Un espagnol prénommé Lopez a la particularité de pouvoir faire l'amour avec le vagin et l'anus de sa partenaire. Parce qu'il a plusieurs bites et il a deux bites. Je l'ai vu dans Incroyable l'émission là sur la 12 là, ou sur la 10. Même le mec il s'amusait à pisser contre un mur et ça faisait deux traits de pipi. Il a deux bites. Il est né avec une particularité, il a deux bites. Et sa femme trouvait ça tout à fait logique parce qu'elle a jamais connu un mec. T'as la femme deux fois plus de boulot pour le sucer. Bah en fait il crache pas en même temps du coup. Oh bah tu me poses une colle là si je puis dire parce que là. Non, ils expliquaient dans le reportage en fait. Que l'urètre en fait et tout ça c'était en double. Donc, c'est si, le seul mec au monde. Il y avait un canal principal, et ça partait dans des deux côtés. C'est le seul mec au monde qui a les deux bras de la même taille en se masturbant. Ah putain. Ah ouais. Ah truc de ouf. Ouais, il y a deux comme ça, tu vois. Ah, il a deux bites. Après, je sais pas si elles sont de la même taille, je sais pas s'il a deux couilles de chaque côté, ça je sais pas, j'ai pas la chance. T'as le slip et tout Bah, il a des slips. Mais pour les pisser aujourd'hui, on pisse de la droite. On pisse pas de la gauche aujourd'hui. Bon, ça change un petit peu. Moi, peut-être qu'il y a certaines femmes qui fantasment et puis il peut peut-être avoir deux partenaires sexuels. Ça va être un peu compliqué, avis, hein, parce que mon avis, doivent être assez collés quand même, les bites. On les appelle. C'est pour ça qu'ils ont sorti la musique. Collés. On les appelle. Collés la petite. On les appelle ces bites, on les appelle les sorcières moises de l'Espagne. Ouais. Ok. Mais comment ça s'appelle l'émission là sur la 10 là avec les trucs extraordinaires? Ah, les 30 histoires les plus extraordinaires. Bah, c'est là que j'ai vu. Ah, t'as vu ça là? Eh bah ouais. Bon bah ce soir, mesdames et messieurs, Lenji Gentleman, le god d'or est remis une nouvelle fois à l'Halla. Soyez pas dégoûtés les mecs. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ah ouais. Pipi et pi. Oh yeah! Le god d'or! Oh yeah! Je vais pas dans le cul! I have a pen. I have an apple. C'est quoi ça? Un apple pen. Je suis du roi. Évidemment, si vous avez écouté l'émission hier soir, c'est le tube qui cartonne dans le monde entier. Sauf en France, malheureusement. Mais bon, justement, on le fait découvrir en France. Heureusement. Attends, 45 millions de tubes pour ça. Je suis bien content d'être français sur ce coup-là. Hein? Je suis bien content d'être français. C'est de la ce grosse merde, hein. Pineapple apple pen. C'est la grosse merde de cette musique. Je crois qu'on a créé en fait, un buzz. Il fait une chorégraphie, il fait ça, regarde. Apple pen. Ça peut le nouveau Psy quoi. Il est parti, ouais. Ça peut le nouveau Psy. En fait, il prend un stylo, il prend une pomme et puis il fait stylo. Ah, oh, c'est nul. Ah ouais, ça aussi je l'ai vu. Ah, donc c'est complètement nul. Et t'as vu que ça sert à regarder la télé le soir. C'est, vrai. C'est vrai. Bon, reste avec nous en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Merci en tout cas de passer la soirée. On se fera. Qu'est-ce qu'on se fera dans quelques instants? Tiens, le nouveau David Guetta. Là. Une reprise d'ailleurs. Merci de passer la soirée avec nous, ça fait plaisir. On se également au tout nouveau Cachemire. Ah ça c'est bon, ça pour l'hiver. Est-ce que vous êtes pour ou contre travailler le dimanche? C'est notre débat de ce soir, on en parle dans 3 minutes. Si vous voulez passer l'antenne, envoyez tout de suite vos numéros là. C'est parti en direct là, jusqu'à 23h, à tout de suite. Radio Mixplore. Un max de son dancefloor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressés que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Why wait to say, at least I did in my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. stand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. De nouveau Calvin Harris à l'instant en direct hein, jusqu'à 23h. On est là, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait plaisir. Alex Libre Antenne jusqu'à 23h, du lundi au jeudi 21h 23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. On est là jusqu'à 23h, merci de passer la soirée avec nous. En tout cas, bon courage à tous ceux qui n'ont pas travaillé. On est là comme chaque soir du lundi au jeudi, 21h-23h. Demain, le retour de Kevin dans le Before Dance Floor, qui n'était pas là ce soir, qu'il avait raté son train. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, il sera là demain à partir de 20h dans le Before Dance Floor. Mais avant ça, bah, Yal qui est toujours avec nous en direct. Ouais, il y a Ben qui est avec nous. Et ouais, puis Tonton Manier ce soir, comme oui, chaque mardi soir. Le sujet du jour, pour ou le contre... sujet du jour. du jour. Pour ou contre travailler le dimanche. Attention, un débat. Qui évidemment fait parler de lui en ce moment. Donc à ton, ça fait un petit moment que ça fait parler. Ben, pour ou contre travailler le dimanche à ton avis? Oh, il travaille pas tout court. Lui, il compte travailler tout le temps. Comme si c'est dur. Ah, mais en même temps, tu poses la question par rapport à Calais, quoi, aussi en même temps. Non, bah bon. La première ligne de chômage en France, gros. Le dimanche, bah, pour quand t'es tout seul, tu vis tout seul. Mais quand t'as une vie de famille, t'aimerais bien profiter le dimanche avec tes enfants ou quoi. Ouais, donc c'est plus un truc pour les jeunes. Bah maintenant, pour pas travailler le dimanche, en gros, tu dis que t'es catholique et que tu vas à la messe. Ouais, mais comme alors ça, t'es tranquille. Et alors bah, tu bah c'est le jour du Seigneur. Après, moi, j'ai une explication plus simple. Pour les gens qui ont rien à foutre, mais ils peuvent travailler le dimanche. Et puis pour les gens qui ont des choses à faire, ils travaillent pas le dimanche. Ouais. Après, pour moi, ça peut rester un jour comme un autre. À condition qu'ils soient payés un peu plus. Ça, c'est normal. Ouais, c'est que les gens disent, ouais, ça peut être un jour comme un autre, mais il faut me payer plus. Bah, c'est normal. Pourquoi hein. Si c'est un jour comme un autre, tu vas être payé non, comme mais un quand autre. Si c'est un jour comme un autre, c'est parce que forcément, le dimanche, dans les mœurs, etc., c'est prévu que ça soit un jour de congé. Après, si les gens, le dimanche, n'ont pas d'impératifs familiaux ou d'activité, s'ils sont disponibles pour travailler, ils travaillent. Mais ça me paraît logique qu'ils soient payés un peu plus que la semaine. Voilà, en tout cas, voir action. En tout cas, vous êtes très nombreux à réagir par rapport à ça. Côté message, en tout cas, venez nous appeler côté standard. D'ailleurs, on a quelqu'un avec nous qui veut nous parler de ça pour ou contre dimanche. Allô, allô. Eh non, il est parti. Ah, il est parti. Allô, allô. C'est qui? Bah, je sais pas, c'est Kinvey. Attends, Kinvey. Salut, enchanté, Kinvey. Jeune homme. Bon, bah, c'est... on l'entend plus, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous êtes pour? En fait, beaucoup de réactions par rapport à ça. J'adore Alex dit allô, allô. Ah non, bon, on tombe sur sa messagerie, d'accord. Okay. Bah, qui va se faire foutre. Bah, attends, mais c'est ça aussi. Allez, il se fout de ma gueule, mais c'est ça, j'ai plusieurs c'est trucs. Qui, hein c'est qui lui? Pas un auditeur. Je ah, mais tu sais pas qui c'est? Ah, mais si, mais il m'a laissé des messages pour passer à l'antenne, mais ça répond pas. Bon, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, beaucoup de réactions par rapport à ça. Si vous êtes pour ou contre dimanche, on a posé la question tout à l'heure. Ah mais 30 cm de long mec pour un radis, bah ouais mais tu m'étonnes. Sur le Facebook. Ah mais lui il va prendre un pied bouche la prochaine fois que je le vois, je te le dis. Il nous écoute. Ah bah, il nous écoute. Mais écoute Raphaël, Attends, va expliquer aux éditeurs qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a laissé un commentaire sur la photo par rapport au radis grec, que c'était pas un radis qu'on mettait dans le cul. Mais dans la rubrique sexe tout à l'heure. Je sais plus le mot qu'il nous a sorti. Attends, il a répondu sur la page principale. Alors attends, je vais le voir. Hop. Ça m'horripile. Donc voilà, autant vous dire, ça s'est passé il y a quelques minutes dans la Rubik 7 de toute manière. On avait oublié qu'on avait un prof de latin qui nous écoutait. Excuse-moi pour latin, cette information. Ouais, mais justement, tu fais du latin et pourquoi tu connais les trucs qu'on se met dans le cul en Grèce, toi? C'est bizarre quand même. Attends, merde, j'arrive plus à retrouver la plage. Mais peut-être plus renseigné, ça se trouve que du coup, tonton Magné nous donne des fausses informations. Ah oui, je me rappelle, il a dit que c'était une racine. Ouais, c'est une racine longue et irrégulière de 30 cm. Du coup, tonton Magné nous donne des fausses informations. Un quoi, un ré... Non, je ne vous donne pas des informations, je vous donne des informations certifiées. Ouais, parce que nous, il y avait un petit cadenas dessus. Après, cependant, il peut y avoir les opposants qui sont. Après, moi, je me suis renseigné auprès de gens qui étaient nés à cette période, mais je n'ai eu personne au bout du téléphone. Je ne sais pas pourquoi, il devait peut-être. Moi, j'ai appelé. je ne sais pas, j'ai personne. Moi, j'ai appelé Nikos, mais il ne m'a pas répondu non plus. Donc, pour dire à Raphaël, on réglera ça prochainement au caveau. C'est un ré fort. Ah okay. D'accord, c'est ça. Okay. C'est genre l'évolution du radis comme dans Pokémon en fait. Ah oui, d'accord. Bah voilà, tout est dit. Donc on sait pas finalement. Après 100 bonbons, le radis. Faites confiance à tonton Manier, sachez-le. Ah, j'aime bien parce que quand Manier on lui a dit en antenne, bah apparemment c'est pas bon ce que tu dis, il me dit, attends si, sur le site où j'étais il y avait un petit cadenas. Ah oui, c'est vérifié, tout est vérifié. Je passe par des associations qui travaillent sur l'époque de la Grèce antique. Je peux vous dire que même le Lopez qui a 2 bits, c'est moi qui ai passé directement par son agent au téléphone. Donc si on remet en question. Ah ouais, quand même. Je vais pas être bien. En fait, le réfort ça ressemble à du gingembre quoi, en forme de carotte. D'accord. Excuse-moi, ça ressemble à un grand radis. Ah non, mec, ça fait longtemps que t'as pas vu un radis gros. Je sais pas, j'aime pas. Justement. Après, okay, ça fait ça, moi je veux bien. Après, je veux bien qu'il donne son avis, mais qu'il me sorte la source, parce que s'il a vu ça sur Wikipédia, si c'est une source Wikipédia, justement, t'es en train de niquer notre rubrique là. C'est pas grave. Ça va se régler. Donc voilà, en tout cas, restez avec nous. Allô, allô. Thierry Foucault. Oh bah pardon. Tu mets sur sa messagerie, bah, putain, bordel. Mais je le connais. Ah bah ouais, bah je sais pas, c'est les auditeurs qui m'envoient des messages, je voudrais passer, mais ça marche pas. Bon, c'est pas très grave. Bon, ça marche pas, Mister Thierry. Donc en tout cas, beaucoup de réactions. Justement, on est un peu décalé, mais on parlait du coup pour ou contre travail. Pour ou contre travail, je suis désolé. Non, c'est ça, Rédi. Pour ou contre travailler le dimanche, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il rigole? C'est ce que je disais, c'est juste un peu plus grand qu'un radis, mais ça a des feuilles, ça a une tige. Ah ouais, mais non, ça fait, ça fait à peine ça, gros. Ah bah après ça dépendait de l'orifice. Peut-être moi que la question, j'ai trouvé un mec qui a un petit anus, ils ont pas pu lui mettre plus qu'un radis. Ah bah. Mais écoutez, moi j'ai pas l'information supplémentaire. Évidemment. Alors on a côté message. Un cul reste un cul quoi. Pour le travail du dimanche, t'es payé double. On ne dit même pas en rêve. Moi je travaille le dimanche, au fil c'est plaisir. La test de vibro de moins de 18 cm. Bah oui, c'est dimanche, on force pas trop. Moi je bosse les dimanches et jours fériés, je m'en porte pas plus mal. Au contraire, tu es payé plus. Bah, c'est vrai que l'argent revient beaucoup. Hein. Pour si c'est le choix du salarié. Et ben moi je suis plus pour ce cas là, si le mec a envie de travailler dimanche, s'il a envie de travailler puis qu'il a rien d'autre à foutre, ouais, ça revient. Donc moi, pour moi, le mec qui veut travailler le dimanche et qui en plus il a la chance d'être payé double, bah pourquoi pas. Moi je dis, t'as des gens dimanche, moi des fois je fais rien, ça me dérangerait pas de travailler un dimanche. Après, voilà. Y a juste certaines personnes qui travaillent la semaine et qui ont leur activité à bien réfléchir. Moi je préférais bosser le dimanche parce que au moins t'as une journée de repos dans la semaine. C'est quoi ton repos le dimanche? Pour faire tes courses, tu galères, mec? Oh, dimanche, c'est toujours une journée de merde. J'aime pas le dimanche. Le dimanche et lundi, de toute façon, c'est des journées de merde. Dimanche, il pleut et tout, c'est une journée de merde, tout est fermé. Après, pour les gens qui sont comme nous à la frontière, tu vas faire tes courses le dimanche en Belgique, tout est ouvert. Ouais, bon, c'est dope. Ouais, bon, ça fait chier. L'activité du t'arrives dimanche, à la caisse, t'as pas les mêmes produits, puis l'autre, elle parle en hébreu, là, tu comprends? En flamand. On va faire un petit tour, on va manger une gaufre à la plage dimanche. Bah oui, à la panne, on va manger une petite bière. Non, t'es dingue, une bonne côte à l'os avec des frites, gros. Tu fais la même chose le dimanche, vraiment pourri comme dimanche. Moi, j'aime pas le dimanche. Puis en plus, le lendemain, t'en reprends la semaine. Tout. Ouais, c'est le lendemain de cuite souvent, hein, du coup. Le lendemain de cuite, effectivement, aussi, donc t'es pas bien, tu travailles déjà 3 heures. Et moi, j'aime bien, je fais grasse mat toute la journée, tous les jours. Ouais, mais les gars, c'est normal qu'on parle derrière la musique, ça s'appelle un bête, c'est juste pour parler par-dessus, c'est tout à fait logique. Hein. Non, je réponds aux auditeurs sinon qui. Sinon, c'est nu comme ça. Ouais. C'est pas marrant. Ouais, si c'est nul. Donc, c'est une musique d'ambiance, tu vois. Voilà. T'as un radis dans le cul. Voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous pour ou contre travailler le dimanche. En tout cas, Ali nous a pas dit si c'était pour ou contre. Bah écoute, finalement. Ouais, moi pour, parce que bon, le dimanche, si tout est fermé, t'as rien à foutre à part taper un McDo. Bah justement, ou... si tout est fermé. Ah non, parlez pas de McDo, j'ai envie de bouffer un McDo. C'est... En plus, j'ai sorti le grand Big Mac. T'as, faut que ah ouais, merde. Bah justement, ah, y a, mais y'a pas quelqu'un qui me ramène le McDo, putain. Y'a Burger King qui est ouvert à Saint-Martin-le-Boulogne aussi. Ouais. Quand on parle de McDo, je suis un peu de pub pour les autres. Ouais, justement, ouais, merci. Non, mais bah, je dis McDo, mais je préfère Quick en fait. KFC, mais justement, de McDo, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui sont fans de McDo. Je viens de savoir ça tout à l'heure parce que j'ai reçu un mail d'ailleurs. Et j'en parle dans le top ou flop dans moins de 3 minutes. McDo, les livraisons. Hein ? Les livraisons. Non, t'es presque. Non, c'est. T'es presque. C'était une demande des gens en tout cas. Et l'arrivée pour la première fois dans le McDo d'Antibes, dans le bas de la France. J'ai reçu le mail tout à l'heure d'ailleurs, ça me l'a confirmé. Et bah, ça sera tout à l'heure. Je vais vous annoncer une grande nouvelle pour McDo. Voilà. Restez avec nous en tout cas. On est là jusqu'à 23h. On se fait le nouveau David Guetta, je vous l'avais promis. 22h31. On est en direct jusqu'à 23h. Alex Libre. J'adore ce son. David Guetta, le nouveau titre. Allez, le nouveau David Guetta à l'instant en direct là jusqu'à 23h, on est là. Jusqu'à 23h, Alex Libre-Antenne sur Radio-Mix. Allez, merci de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, on bouge pas. Pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise, je chante depuis Big Adjacent. On est là, comme chaque soir, on est mardi soir, en tout cas, bonne soirée. Merci d'être avec nous et d'être aussi fidèle à l'émission. Alex Libre-Antenne, Yal qui est avec nous en direct. Hey. Et il y a Tonton Manny qui est avec nous. Oui. Et puis il y a Ben également avec nous. Ouais. Voilà. On avait promis évidemment le canular du mardi. Ce soir, on a pris des morceaux du film Retour au futur. Vous connaissez tous Retour au futur, rassurez-moi. Ouais. Ah bah bien sûr. Hein ? Non. Mais les gens qui connaissent pas. Ouais, Alex, c'est le seul con qui s'amuse à acheter la pizza Retour vers le futur qu'ils ont sorti. Bah ouais, les dernières quand ils étaient pour c'est ce qu'on appelle un pigeon commercial. Fromage, fromage poivron, et il a payé ça 80 balles la pizza quoi. Non, non, ouais, la dernière, quoi, c'était les 15 ans du. Je sais pas quoi, non, c'était pas les 15, c'était quand le. Oh, 15 ans, n'importe quoi. Ouais, 50 ans, Retour de Danger. Je me rappelle de ça, je me rappelle. C'était quand les. Il y avait une date anniversaire de Retour et Futur. Pizza Hut, c'était ça, Pizza Hut. Ils avaient fait la pizza officielle de Retour et Futur. Et mon frère et moi, on s'est dit, si la sorte, on l'achète tous les deux en même temps. Et mon frère, il l'a acheté, je l'ai acheté. Dédicace à Domino's Pizza aussi. Mais le mec il a payé plus de 20 balles la pizza alors que. C'était Pizza Hut, non, j'avais payé. Non, j'avais pas payé 15 balles. Machin, j'avais payé 13 balles. C'était juste pour soutenir notre marque en fait. Ah, ouais, 13 balles juste parce qu'il y a du poivron quoi. Et avec, t'avais les chaussettes, t'avais les chaussures Nike avec quoi. Après, j'ai je faisais l'émission aussi donc j'avais mangé. Hein, donc non, j'ai mangé la pizza en fait. Elle était bonne. Wow, mangé une pizza. Mais non, c'était le délire. Vous êtes avec mon frère, on aime bien Retour à Futur donc voilà. Bon, c'est tu. Je souhaite plus en parler de mon jardin secret. Bon, en tout cas, on a appelé EDF avec la voix du doc de Retour à Futur. On s'écoute ça, on est en direct là, 22h35. C'est ici que ça se passe, c'est le canular du mardi. Tu peux attendre juste deux secondes, juste pour que je lance une info. Raphaël, arrête de pourrir les statuts de la radio, mec. Tu tapes une conversation tout seul, c'est affolant. Voilà, le message est passé. Ok, bon. par contre, notre message, Jojo, commence à continuer à parler à la mère de Ben. On aime bien voir les photos de Ben, tout petit, sur le Facebook de Ben. C'est vrai, il tout seul ce con en plus. Merci de passer ce soir avec nous. On s'appelle tout de suite EDF. Bonjour et bienvenue chez EDF. EDF, bonjour. Capture pour vous. 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts! Je comprends pas, monsieur. Je vais lire dans vos pensées. Vous allez lire dans mes pensées? Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? Écoutez, actuellement, c'est Obama, le président des États-Unis. Elle est mignonne? Qui? Ta maman! Non. Silence. Jojo. Jo, viens voir. Écoutez, je vous écoute. Tu ne dois absolument pas quitter cette maison. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Non, je ne comprends pas. J'ai vu une image. Dites-moi. J'ai jamais inventé une machine à voyager dans le temps. Retour vers le futur. Où est Marty? Marty! Il est où? Il a fait un bond d'une minute en avant et il est arrivé immédiatement à l'instant où nous sommes. Et vraiment date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955. Ok. Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. Mais c'est passé quoi en 55? C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. T'as inventé la connerie aussi ou? Malheureusement. À part ça, il s'est passé quoi d'autre en 55? Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Il y a des DeLorean à vendre, monsieur. Mais diesel, hein. Cette fois-ci, on peut pas mettre de pot de banane ou de bière. Que du diesel. 6000 euros, la DeLorean. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent? À l'association des jeunes garde-côtes nécessiteux. Il y a des hoverboards aussi à vendre. 50 euros l'hoverboard. Je vais être triste quand tu seras parti. Moi aussi, malheureusement. Allez, il y a d'autres clients. Bonne journée à vous. Et ben voilà. Bah pas mal finalement ce petit Mac là, ce petit doc en tout cas qu'on a appelé EDF. En tout cas ils sont très sympas, ça nous fait rappeler un petit peu à Pôle emploi avec Dark Vador la dernière fois où ça montre bien que les services ne branlent rien. Voilà, en tout cas ils rigolent bien chez EDF. Bon, reste avec nous en tout cas, le top ou flop évidemment, on parle d'une grosse info de McDo dans moins de 3 minutes. Donc reste avec nous, Alex Libre Antenne là jusqu'à 23h. On se fait le tout nouveau Martin Garrix, ça s'appelle In the Name of Love. On est là jusqu'à 23h, bonne soirée. Merci d'être avec nous. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love, in the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Le son de Martin Garrix à l'instant, direct hein, jusqu'à 23h, on est là, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait plaisir. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, on est là, on bouge pas, en direct, jusqu'à 23h, encore quelques minutes avec nous, il y a Ben qui est avec nous en direct, ouais. Il y a Tonton Manier qui est avec nous, oui. Et puis évidemment Al, ce soir, on n'oublie pas demain le retour du Avez-vous vu Chantal, le retour du pervers, demain on appelle Eric le pervers et Quentin qui sera avec nous demain soir, il sera passé pour Fanny, on appellera une nouvelle fois de plus le pervers, la dernière fois, la semaine dernière, le pervers qui avait foutu une bougie dans le cul, c'était en direct évidemment, t'avais pas écouté ? Bah non, j'étais occupé. Ah pardon, sinon je serais venu. Sinon je serais venu. C'était enfoncé une bougie dans le cul. Allumée ou éteinte ? Ah éteinte ouais, quand même. Ah ouais, okay. C'était parti loin avec Eric le pervers, notre pervers national là. Donc voilà, en tout cas le top ou flop, c'est parti en direct. Le top ou flop, c'est très simple, je pose des questions, est-ce que c'est plutôt top, est-ce que c'est plutôt flop. C'est parti, on va parler d'ailleurs de McDo, bah gars, c'est mon premier truc en plus. McDo. Ah arrête, j'ai faim, bordel. Qui ont lancé leur programme de fidélité chez McDo. Alors c'est très simple, vous commandez maintenant chez McDo. Alors ils l'ont lancé que dans un McDo à... Ils écoutent pas ce que je dis. Ah si, si, si. Bah non, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un produit qui vient de se lancer à McDo. N'importe quoi. Non, c'est pas un produit. Oh là là. Ah non, bah c'est toi, mais je réponds aux gens. Ah bah tu réponds pas aux gens, t'écoutes ce que Raphaël marque. Ouais, il a qu'à arrêter d'écrire des conneries. Ça... Ah, je disais, McDo, bon. Ils ont lancé le programme de fidélité. C'est très simple, vous commandez chez eux en fait via l'application McDonald's. Alors j'étais tout à l'heure sur l'application et c'est vrai que ça marche. Vous commandez vos produits, genre un menu Maxi Best Of, etc. Et plus vous commandez chez eux, plus vous avez des points. Genre par exemple, vous commandez un Big Mac seul, vous avez 2 points, etc. Et plus vous êtes points, et grâce à ça, les points vous pouvez transformer en argent et pouvoir avoir des produits gratos chez McDo. Alors, pourquoi McDo font ça maintenant comme ça? Alors ils ont lancé leur programme de fidélité pour l'instant dans le seul McDo dans le sud, je sais pas pourquoi là-bas, mais bon, en tout cas ils l'ont lancé là-bas à Antibes. Donc, là, ça doit être une expérimentation, je pense. Alors, ils l'ont fait déjà pour l'instant au 7 et ça va arriver petit à petit dans toute la France d'ici quelques jours, quelques semaines en tout cas. Mais j'ai voulu tester avec l'application commandée chez Antibes, tu sais, le McDo, et c'est vrai qu'effectivement ça marche. Du coup, à votre avis, est-ce que ça va être top, est-ce que ça va être flop? On va commencer tiens par Ben. Top. Bah pff, ouais, après, ouais, top, toi. Top. Bah écoute, ouais. Travis, c'est bien ou pas? Mais je sais pas pourquoi McDo lance ça. C'est l'info qui va sauver le monde, quoi. Je vois pas de... Non, mais après, je vois pas de où c'est pas bien. Le mec, il va manger chez McDo. Un français normal, il va manger combien de fois chez McDo? Bah, c'est bidon de mettre ça sur l'application. De lui mettre des réductions. Le mec, alors, il dit non, il les alors, derrière, ouais, alors derrière, c'est pas aussi simple. C'est parce que eux, c'est une stratégie commerciale derrière où j'ai lu. C'est qu'en fait, déjà, il faut avoir l'application de McDonald's. Et McDonald's, évidemment, avec l'application, c'est uniquement pour les bornes, tu sais, que tu vas à l'extérieur. Ouais. Et du coup, c'est le but. De demain, alors du coup c'est un bien ou un mal, le but c'est qu'il y a de plus en plus de bornes que les gens ils commandent sur les bornes et qu'ils commandent plus directement avec la personne. Et qui dit borne dit réduction de salariés. Exactement. Donc voilà, c'est pas si bien que ça finalement. Leur but c'est de, avec le programme de fidélité, c'est qu'il faut avoir l'application. Et si on télécharge l'application, il faut commander uniquement aux bornes avec l'application, parce que je l'ai déjà fait, je commande souvent avec l'application. Et du coup, on passe pas avec la salariée. Du coup, évidemment, de toute façon, il y en aura de moins en moins. Là, ils parlent de ce que tu dis. Ils parlent aussi des livraisons en drone. Livraison de drone, ouais, mais pour l'instant c'est. C'est pas maintenant ici, sans l'Australie. Livraison en drone, gros. J'habite à la ZUP au 15ème étage. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, en tout cas, ça sera comme tout ce qui est caisse rapide à Carrefour, etc. Ça fera que enlever du salarié. Ouais, comme les péages, il y a 10 ans, t'avais des gens en borne, maintenant t'as plus personne. Bah, livraison en drone, gros, mais c'est n'importe quoi. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Si tu veux. Ah, mais si, ça va se faire, pourtant. Après quoi, les mecs, ils vont jamais les livrer à la ZUP à Calais. Le mec, il va se faire péter le drone pour se faire niquer les motos. Moi c'est sûr que je vais voler le drone. Les premiers qui vont lancer la livraison de drone d'ici 2018, c'est Amazon. C'est eux qui ont annoncé les premiers qu'ils allaient livrer. Ouais, mais moi j'appelle ça un coup de buzz. Hein. Et moi je comprends pas comment on peut te livrer à pas drone, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un mec qui télécommande en fait avec ça. Ah oui, je peux pas livrer. Il faut que le mec soit à proximité du drone. Oui, mais ça fait quand même moins de livreurs. Hein ? Je pense que ça fait quand même en termes de. Et t'as déjà le drone, tu l'achètes à l'achat. Ça coûte une blinde en plus. Ça coûte une blinde, mais après tu rentabilises certainement en livreur, en gasoil, en. Et t'es dingue. Eh, moi ils vont lancer ça, gros, je vais me remettre au baltrap, obligé. Je vais être sur ma. Bien sûr que oui. Ouais, c'est bizarre. T'imagines, le prix d'un drone, gros. Ils vont se faire niquer tous leurs drones. Ils vont pas avoir le prix du drone au prix où toi tu l'achètes. Ouais, voilà. Ah, mais c'est pour niquer un drone par livraison, c'est pas marrant quoi. Ouais, je sais pas, ouais, bon. On suivra si, ça. Nous, ça sera drôle. On suivra ça en direct, évidemment. Ça sera drôle, ouais. Livraison ça sera drôle et drone. Mais par rapport au McDo, livraison domicile, vous savez que les livraisons domicile au McDo, ça existe, du côté de l'Inde. Hein. Vous le savez, c'est le Mali qui fait de sa gueule. Non, il se fout ma gueule. Mais vous savez que la livraison à domicile se fait pour McDo en Inde. En scooter. Normal, les gens, ils n'ont pas de voiture. Ils ne peuvent pas se déplacer. Non, mais en scooter, ça se fait. Mais ils disent en France qu'il y a eu un communiqué il n'y a pas longtemps. Parce en scooter que... ou en coucou, là parce qu'en Inde, ils ont les deux. Je crois, les deux, ouais, il y a les coucous. Ouais. Mais ils disent en France qu'ils ne veulent pas, pour l'instant, enfin, partout, enfin, en Europe, en tout cas, ils ne veulent pas. Parce qu'ils disent que leurs produits, ils veulent rester chaud. Et quand en Inde, si les mecs, ils meurent en bouffant leur burger, c'est pas grave, quoi. Okay, d'accord. Non, mais bon, à mon avis, ça va faire un peu comme une pizza, c'est que ça doit être livré à tiède. Mais attends, essayez de regarder un petit peu un Big Mac quand vous le mangez chez vous. Et quand vous mangez au McDo, quand il est tout chaud et quand il est un peu, avec le temps de rentrer chez vous. Bah, tu le prends en guichet, gros, tu te mets à table, t'ouvres ta boîte, il est froid le bordel. Faut le mettre au micro-ondes, au micro-ondes, ça passe. Ah ouais, oh non, ça passe pas du tout le micro-ondes. Ah non, Mac, non, c'est pas bon. Moi aussi, ça va. Ah hein, bon, toi tu manges tout. Mais non, c'est bon, je trouve que c'est dégueulasse. Mais bon, après, c'est pas de vue. Bon, bref, en tout cas, merci McDo, en tout cas, Quick et KFC pour cette piste. Alors, et KFC, et Burger King. Burger King. Ah, Burger King. Merci en tout cas. Et Fritri Yo-Yo aussi. Donc top pour Rosso McDo. Attention, touche pas mon sport qui passe en deuxième partie de soirée. Habituellement c'est à 17h le samedi sur C8. Et maintenant qui va passer à 22h55 le samedi soir. Est-ce que top, est-ce que c'est flop? J'ai jamais regardé touche pas mon sport. Sans branle. C'est pas sans branle, bah, t'arrêtes alors. Sans branle. Flop. Donc flop pourquoi? Parce que à la base ça attire les jeunes qui aiment le sport. Ah, mais ils disent que eux, derrière c'est carrément mieux en deuxième partie de soirée, parce qu'ils pourront voir les résultats en direct des matchs qui viennent de se passer. Ouais, certes, mais les jeunes le samedi soir ils sortent. Et les samedi soir ils arrivent plutôt au Canal qui le font aussi, le côté Canal ils font pas ça. Ouais, le débrief aussi, avec même RMC, même l'équipe 21, tout. T'as tout le monde, qui fait. Ouais, c'est vrai qu'ils se démarquaient en faisant l'après-midi le samedi à 17h, mais bon après. Donc toi, à ton avis, c'est flop. Ouais. T'as déjà regardé ou pas Touche pas mon sport? Ouais, bah oui. Ouais, ok. Bon, c'est quoi en fait? Il parle que de. Ah oui, il parle pas que de foot, il parle de tout. Non, il parle de tout. Ok. Donc à ton avis, toi, pour moi, ça sera flop parce que il y a beaucoup d'émissions qui font déjà tout ce qui est résultat le soir. Et pour moi, c'était bien sur D8 parce que là, ce qui se passe actuellement sur D8, c'est que t'as Camille, C8, c'est que t'as Camille Combal qui fait un peu le même émission que Touche pas à mon poste. Et pour moi, c'est trop d'actualité. Pour moi, c'était quelque chose qui était un peu plus léger avant Cyril Hanouna. Ouais, mais pareil, c'est moi, j'impose c'est le nom, c'est Touche pas à mon sport. Enfin, ça revient toujours. Oui, bah ça. Bah là, Cyril Hanouna, il s'est fait fighter avec l'émission où il s'est barré là, parce qu'on lui avait donné son numéro de téléphone. Se sont fait détruire sur les réseaux. Ouais, après ça c'est drôle. Avant c'était confirmé comme quoi c'était un buzz. Tout ça c'était calculé avec Kev Adams, en tout cas pour faire le buzz de l'émission. Ah bon, c'est des amis. Hein. Ouais, donc apparemment c'était prévu ça avec le numéro de téléphone, c'était un buzz. Donc apparemment c'était confirmé cet après-midi. C'est juste pour dire que Hanouna il a fait sa gueule de con et pas confirmé les propos quoi, c'est tout. Ouais, après peut-être. Allez, touche pas mon sport en deuxième partie de soirée, est-ce que top ou flop à ton avis? Franchement, je m'en fous, j'aime pas le foot. Bah j'aime le foot quand c'est intéressant, c'est des gros matchs. C'est sur le sport là. Après, j'aime pas. J'ai déjà regardé, mais j'aime pas trop les animateurs. Il y en a 2-3 où. C'est Meuf qui anime ça. C'est la femme à Domenech. Ouais, ouais, mais la femme à Dominique, ça va, ça passe. Voilà, elle est tranquille. Une femme qui parle de sport, ça passe. Il y a la femme à Bakary Sagna, qui est footballeur aussi. Après, t'as une ancienne nana qui a fait. Pierre Ménez, qui est commentateur dans FIFA, entre autres. T'as une nana qui a fait Starac, qui se retrouve là à commenter les matchs de football. Oh, mais ça touche pas. Ouais, parce que des fois, ils invitent, etc. Non, mais elle est là, elle a sa place. Non, mais elle se connaît en termes de sport. Après, c'est pareil, les chroniqueurs, tu prends touche pas à mon poste, t'as des chroniqueurs, tu te demandes ce qu'ils font là aussi. Après, ça c'est. Ça, après, c'est parce qu'ils ont du monde derrière. Ah ouais, ça sûr, après, Instagram, Twitter, etc., ça fait pousser certains chroniqueurs. Parfois, on se pose la question, les chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils font là? Il suffit d'aller voir leur compte Twitter, hein, puis on a compris pourquoi ils sont là. Ouais, voilà, ils sont vachement suivis, donc ils prennent aussi par rapport à la notoriété du truc. Ouais. Ok, donc à votre avis, plutôt flop pour se touche pas mon poste, mais en tout cas, on suivra ça, on verra les audiences, surtout si ça marche. Et en dernière, top ou flop, Bouygues Télécom qui lance une box 4G, alors qui ne se connecte non pas au réseau fixe de la maison, mais au réseau mobile pour distribuer Internet dans toute la maison. Alors c'est en vente dès aujourd'hui sur le site, à 27,99€ par mois. C'est de la merde déjà que la 4G ou déjà la 3G sur FX, un peu partout. Mais j'ai pas compris le concept en fait. J'ai bien lu l'article, mais j'ai pas compris le concept. En fait, en gros, ils vont pomper ta 4G de ton téléphone pour distribuer dans ta baraque. Non, en gros, c'est comme un répartiteur de Wi-Fi. En gros, il va capter un signal 4G qui est distribué partout. En fait, que tu l'aies. En fait, le signal à la base, le signal il est partout. Ouais. Toi, ton téléphone, il sert qu'à le choper en fait. Ouais. Mais le signal 4G est partout. Sauf que si t'as des murs un peu plus épais. Où ça, les structures métalliques, tout ça dans les plafonds, dans les murs, ça passe pas. Donc là, en fait, ils ont fait une box. En fait, c'est juste un répartiteur. Donc c'est une box qui va capter un signal 4G quelque part et qui va le faire résonner dans ta pièce. Et c'est que ça me fait rire parce qu'ils lancent plein de trucs. C'est de la merde. Ils parlent déjà de 5G alors que la 4G, même pas. Déjà, j'ai galère à avoir la 4G. Moi. La 4G, on l'a pas ici dans le cadre. Pour moi, ça sera de la merde aussi parce qu'après, la 4G, on sait ce que c'est actuellement. Parfois, t'es en 4G, parfois, t'es en Edge. Les grandes villes, oui, Lille, tout ça. Non, tu mais vois, oui, d'accord. Mais moi, je parle pour quelqu'un comme moi qui habite dans une civilisation lointaine, qui est calé. Parfois, t'as de la 4G, parfois, t'as de la 3G, parfois, t'as de la Edge. Imagine, t'es en train de regarder une émission télé ou t'es en train de jouer en réseau à un jeu vidéo, t'as 4G, t'es sur la box Bouygues. Et le pire, c'est que c'est ça. Ton match, il est coupé, tu perds ton match FIFA, t'es au bout du rouleau, grand. On est mal desservi ici, mais partout. Parle de FIFA. Ou PES, ou Call of, ou Battlefield, je sais pas, je me fais pas d'ennemis moi là-dedans. Et le pire, c'est que tu vas dans n'importe quelle ville, là en Vendée, je suis allé en Vendée il y a pas très longtemps, tu prends une location là-bas, où tu t'achètes une baraque, tout ça c'est fourni dans ta maison. En gros, t'as plus à te faire chier, à commander à SFR, à Bouygues, quoi que ce soit. Le propriétaire, il c'est à sa charge, en fait. Quoi. Il le met dans le loyer par exemple. Ouais, c'est... ouais, mais ouais. T'as pas de box, c'est directement sur les prises, c'est en commun dans les maisons maintenant. Donc le mec t'arrive, imagine, voilà, tu loues un appartement, t'es branché en fibre chez toi directement, tu payes pas d'abonnement. C'est voilà, tu te branches directement en RJ45 et tranquille, tu demandes rien à personne. Et ici on galère toujours parce que on est les derniers servis, c'est la merde. J'ai avoir la fibre optique. Et nous de toute façon on sera tout le temps emmerdés parce que les Anglais nous font chier à côté. Hein? Internet avec des lunettes. Ah, fibre optique. Bon, ouais, tout cas, c'est Alain Flelou qui vient de sortir ça, c'est, en tout cas, c'est tout nouveau. Reste avec nous, en tout cas, on est là jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous, ça fait plaisir. Et je vous dis à tout de suite, les amis. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Tomb Raider, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tomb Raider, la maison des ténèbres, le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux. M'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. comme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'adore ce son. Allons-en à l'instant, Binta. En direct, hein, jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mixplore. On est là. Allez, en tout cas, on est ensemble évidemment jusqu'à 23h. Il y a Ben qui est avec nous en direct là. Ouais. On est toujours là. Il y a Tonton Mani qui est avec nous également. Oui. Il y a Al qui est avec nous également. Merci de ton cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h. On va parler d'ailleurs, vous savez qu'est-ce que c'est la passion pour se détendre en Lituanie? C'est vrai qu'ils ont une petite passion là, qui n'arrête pas de faire le buzz en ce moment en Lituanie. A votre avis, qu'est-ce que c'est? Une passion hors du commun, un truc de jamais vu, hein, que sexuel. On pourrait pas en France. Hein? Sexuel? Non, pas du tout. Non, ah. C'est un truc complètement débile en fait, qui ça devient une mode en fait en Lituanie, et en fait c'est pour se détendre en fait. Tu vois, il y a des gens qui font leur boxe, il y a des gens qui fument pour se. Des barrachos. Non, des bars à chaud. Ça c'est au Japon ça. Des bars à chaud. Ton avis c'est quoi? J'ai pas entendu la question, j'écoutais la radio avec mon téléphone. D'accord, là tu fais de la radio, il écoute la radio. Et l'auditeur non, mais... est chroniqueur en même temps. Ouais, c'est ça. J'ai plus de son. Hein? Ah mais Ali est en train de tout toucher à tout. Puis du coup Ali bouge le câble, du coup la musique elle s'entend plus. Ah oh là là là. Il est en train de faire n'importe quoi. Moi non plus j'ai plus rien là. Ah bah ouais, c'est normal. Ah, il fallait, parce que j'avais baissé votre casque. Couillon. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas. C'est pas un indice quand même, parce que c'est un peu vaste comme question. C'est avec de la vaisselle. Avec de la vaisselle. À votre avis, il se détend avec de la vaisselle. Il mais pour casse de la vaisselle. On n'est pas loin, mais où? Ah, mais c'est le tof. Il jette de la vaisselle, il le casse en même temps, mais où? dans ton cul. À votre avis. Ils cassent de la vaisselle, mais où? Bah, à votre avis, ils, en fait, leur passion, c'est jeter la vaisselle, mais. Dans les rues, par la fenêtre. Contre quelque chose. Par la fenêtre, contre un mur. Voilà. Contre un mur, voilà. Leur passion, Lituanie, c'est une mode depuis quelques semaines, c'est qu'ils jettent la vaisselle contre les murs. Et donc, c'est ça qui a complètement débile. Au prix, et... au prix que ça coûte la porcelaine, quoi, merde. On sait pas si c'est de la porcelaine. Ça serait con de faire ça avec des assiettes en plastique, si c'est pour les péter. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Wallah, moi j'ai fait pareil, mais jette la vaisselle en plastique. Qu'est-ce qu'on se pour? Bah, si j'ai envie de me détendre, je fume un joint. Oh, bah ça, il fait ce qu'il veut. Non, mais... Ça, c'est de la réponse. Non, mais bonsoir. Alors, t'as dit de rester naturel, mais pas trop trop naturel quand même. Genre, s'il dit ça, puis se merde les gouttes, quoi. Bah, le sait, ma mère. Ah, je sais. Ah, d'accord. Ah, tu m'avec. Je m'étonne. Ah, t'as tes potes qui te balancent là. Ah là là, ah, c'est vrai. Ils ont rigolé quand j'ai dit ça en tout cas. C'est vrai. Non, elle fume pas avec moi. Ah, c'est pour ça qu'elle balance des photos comme ça, le part en couille. Non, j'ai une dédicace évidemment, ça nous écoute ce soir. André, j'ai des petites dédicaces à faire en même temps. C'est... Bah, vas-y, moi aussi, profite des petites dédicaces à faire. Ah bah, les yeux, la fête. Je fais la dédicace à Ben la pantoufle, à Alex le ragondin et à Matt le peignoir. Le ragondin. Et à Kat. Ah, t'as les surnoms, c'est super. Oh bah oui, bah après moi c'est... Y'a voilà. Pas de checker. C'est passé. Non, bah non. Voilà. Belle. Le ragondin, pourquoi? Parce qu'elle a des grandes dents ou une grosse cuplette? Non, c'est parce que c'est des potes du foot et puis il y a certains mecs dans l'équipe qui poutent la gueule et du coup on les a appelés peignoir, ragondin. Enfin, c'est un délire. Ah, entre d'accord. Nous, mais... Enfin, c'est un peu spécial. Et ragondin, ragondin, pour ragondin, il aurait pu avoir une queue comme un panini. Ah non, quoi, même c'est... pas, non, c'est juste parce qu'il pout de la gueule et on trouvait ça drôle de l'appeler la ragondin. Ah, tu d'accord. Oh le pauvre. Eh, hey, ragondin, chérie, pourquoi t'appelles ragondin? T'inquiète, je La pantoufle et le peignoir, c'est parce qu'on dit toujours t'as une pantoufle ou un peignoir dans la bouche, c'est le lendemain de cuite, tu peux de la gueule, toi. Waouh, wow, ah, t'as la pâteuse. Mais ragondin, c'était pour trouver autre chose, on savait pas quoi dire. Ouais, c'est pour ça. Complètement. Ok, voilà. Ben, dédicace. Dédicace à Alexis qui nous écoute, il est avec Jojo. Merci. Et dédicace à un Suisse qui nous écoute aussi. Ah, bah, dédicace à la Suisse. Un petit Suisse? Ouais, un petit. Un Yoplait? Des bons chocolats en Suisse, en tout cas. Ah, et, des bonnes banques. Ils ont des bonnes banques, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, on revenait sur, on parlait évidemment de la 4G. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont lancer parce que je vois qu'ils ont fait des travaux en plus dans notre ville là pour la fibre optique. Ah bah les ouais, 3 ans, ça fait 3 ans. Ils l'ont fait dans mon bloc. Non, non, non, ils sont en train de la passer. Dans mon bloc, ils ont installé les câbles. Non, ça c'était les mecs en train de piquer les câbles. Non. Ils revendent ça à Vandamme là-bas, 2 euros le fil. Ça s'appelle les Roumains. Non, c'était pas les mecs, rassure-toi. Ah, ils se sont fait passer pour des gars de F. Alex, ah les bâtards. Rappelle-toi où on travaillait ensemble dans nos anciens bureaux. Ça, c'était il y a au moins 2-3 ans. Ils nous disaient déjà qu'ils installaient la fibre. Ouais, non, mais la fibre est passée sur Calais. Pas partout, mais là ils sont en train de la tester tout. C'est pour ça que les gars qui ont SFR sur Calais avaient des gros soucis de réseau et on les a toujours. Ouais, parce toujours, que les mecs sur SFR ne préviennent personne. Ils sont en train de foutre un bordel monstre sur Calais avec ces putains de réseaux. Parce que t'as le réseau de la fibre, de la 4G et de la Wi-Fi qui part en couille. Et avec les Anglais, pour ça nous aussi on n'aura jamais rien. Et tu vas voir la fibre ici, elle va se lancer et ça sera. Et les pas gens, de la fibre, les autres gens, ils seront en 9G quoi. Non, c'est que tu vas avoir une fibre, mais au mieux de qu'elle tourne à 100 gigas la seconde, elle va tourner à mes couilles quoi. Vas-y, dis-le si je t'emmerde. Dans ces cas-là, lance pas des sujets, connard. De quoi? Non, mais rien à foutre quoi. Là, si je t'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pas parce que je regarde l'écran en train de programmer la musique après. Ouais, il croit que je connais pas ces machins. Ouais, ouais, non, en fait, ça veut dire rien à foutre. Ouais, mais n'importe quoi, parce qu'on en parle. C'est toi qui soutiens. Pourquoi? Non, si, mais Alexis, te regardez. Ah, c'est ça, allez, vas-y. Allez, vas-y. Mais donc voilà, en tout cas. Mais je sais pas si elle est déployée du coup sur Paris, la fibre optique. Bah, de toute façon, aussi sur Paris, elle est déployée depuis longtemps la fibre optique. Ah ouais, ils sont déjà la fibre. Enfin, je sais pas moi. Ah ouais, bah oui. Pas, moi je croyais que c'était. Ah ouais, il y a que dans notre ville qu'on a rien. Bah, dans les. Ouais. Ok. Non, mais ce qu'on parlait, parce que j'ai eu des messages, mais à Lille on capte très bien la 4G, on a que la 4G, on n'a jamais retourné en 3G, mais c'est vrai que nous ça galère. Moi j'ai la 4G. Moi je galère. Ouais, mais en fait, t'as la 4G toi? J'ai la 4G, je galère pas. Dans en permanence. En permanence. Ah, moi j'ai la 4G de temps en temps, mais pas en. Non. Moi tout le temps. C'est un menteur. Ah, toi il habite dans les quartiers. Là si je veux, je mets mes données mobiles, j'ai 4G direct. Ah ouais, dans un métro ici. Partout. Sur la radio, ça m'étonnerait. Partout. Sur la radio, ça m'étonnerait. Parce que ici, déjà, je galère à la 3G. Je sais pas pourquoi, dans le studio de la radio, on est réparti de. Non, ici, on a fait le malin. Allez. Ah non, merde, tu es en wifi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es chez qui? Ouais, il y a 4G. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, va sur une page internet avant de marquer la 4G. Ouais, parce que moi aussi, j'ai fait 8 ans à charger. Vas-y, va sur une page internet. Vas-y, parce que rappelle-toi que la dernière, fois, avec sa 4G, il nous a donné les résultats foot, il a dit 1-0 pour Lens. Et en fait, il y avait 20 minutes de plus, ça faisait 4-0. Non, là, j'étais avec ça, j'étais connecté au Wi-Fi là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, justement, la Wi-Fi. Mais bon. T'as quel fournisseur, toi? Orange. Ouais, je suis chez Orange. Orange, voilà. Hein, ça va très bien, non, bon, voilà, il est content. Mais gros, ça affiche pas la bonne page. Hein, en fait, il affiche le site de la radio, il y a rien qui s'affiche, gros, il montre que les lettres. Bah ouais, bah écoute, c'est fait comme ça, c'est pas moi. Hein. Pareil, pareil, je vais sur le site. Monsieur, non, mais t'as 4G. Mais moi aussi, des fois, c'est marqué 4G. Ça vous est jamais arrivé d'avoir la 3G au 4G, puis oh, au le final, ça bien bug. Sûr, bien sûr. Oh bien le sûr. Con. Bien sûr. Alors info dernière minute, juste histoire de remettre les choses en place. Il y a Raphaël qui est en train de faire un monologue tout seul. Pour tous ceux qui nous écoutent, on a l'impression qu'il y a qu'un auditeur qui nous écoute toute la soirée, c'est lui. Ah, mais ouais. c'est le seul casse-couille. Mais attends. Alors le mec nous dit, eh les gars, gérez le son, nanana nanana. Genre il y a plusieurs musiques qui passent et tout. Et en fait il s'est trompé d'écouter Skyrock. Il avait juste allumé l'application 8 fois. Ah merde, j'ai trouvé une fenêtre qui faisait de la musique et des chansons en même temps que la vôtre derrière ma fenêtre internet. En même temps, c'est ce qui s'appelle un prof de philo qui a rien dans le cerveau, quoi. Mais merde. Évidemment, quoi. Pour la peine, Al vous offre une minute de détente. Là, qui m'a collé 4 heures, ce con. quand j'étais jeune. Allez, on écoute pour la taille. Pipi et pi. Oh yeah. Raphaël est con. Attention à la chorégraphie. Il avait une fenêtre. I have a apple. Raphaël est con. Raphaël est con. Il avait une fenêtre ouverte. Ouais, ça passe. Arrêtez de critiquer cet homme, il est très sympa. Ouais. Oh, mais il est très sympa de. Bah écoute, ça fait une demi-heure qu'il nous critique au bout d'un moment, qu'il assume quoi. Il les critique pas, ça arrive à tout le monde de se tromper, d'activer une fenêtre à ta Ouais, mais t'as vu ses messages? Non, j'ai pas eu le temps de voir. Bah justement. Déjà, j'avais commencé avec le radis déjà. Bah donne son numéro de téléphone, on va l'appeler en direct là. Il veut pas me le filer, il me dit comme excuse, ah, j'ai trouvé une fenêtre qui me faisait des chansons derrière en même temps. On peut pas avoir son numéro, on va l'appeler en direct, il nous reste quelques secondes. Hein? Bah, il veut pas, son, il veut pas. Bah, c'est dommage, on l'aura appelé en direct. Il ouvre sa gueule derrière l'écran. Mais de toute façon, demande-lui, il nous écoute. C'est ça. Gentil. C'est ça. Bah, écoute, si tu nous écoutes, est-ce que t'as ton numéro de téléphone? Il y aura quelqu'un. Ah là, bizarrement, il vient de se déconnecter d'internet. Ah, c'est con. je te jure que c'est vrai en plus. Ça faisait jamais arrivé, ça te parlait à quelqu'un sur Facebook. Quand j'ai des copies. Quand tu demandais quelque chose à quelqu'un sur Facebook, et puis comme par hasard, au moment où tu parles, il se déconnecte. Bien sûr. Bien sûr. C'est salopio. Ou le plus chiant, c'est vu et ça t'apprend pas. Ah ouais, j'en connais un qui le fait. Qui? Toi. Parce que j'ai pas envie de te répondre. Non, c'est vrai que moi je réponds quasi. Enfin, moi je réponds que quand j'ai envie. Donc quand j'ai le temps surtout. Oh, merci, mais... tu me réponds tout le temps, c'est bien. Non, je t'ai pas répondu tout à l'heure. Tu m'as cassé les couilles parce que toi tu parles loin dans tes messages. On a rien à branler. Y'a qui dans le public ce soir? Y'a qui? Est-ce qu'il y a mais des ouais, mais grand, je veux savoir moi. Je veux savoir. Ah, tout à l'heure ils m'ont envoyé messages. Qui sont les noms, les tout, et machin. Je qu'est-ce que À quelle heure, mec, à la radio? Ah oui, comme d'hab. Ok. Je m'intéresse. À la radio, après c'est pas. Et pourquoi je t'ai pas répondu, Ben? Je te réponds toujours. Ah merde, il est toujours connecté. Des fois tu me réponds pas. Il me dit sur le radis, c'est vrai. Oh merde. En fait, il se trompe sur toute la ligne. En fait. Par contre, je crois que t'as pris. L'alcool est redescendu. En fait. Je crois que t'as picolé là, ou t'as eu une montée. Je sais pas ce que t'as pris comme substance. Il a dit pour le radis, c'était vrai. Ouais. Du coup, j'ai raison. Ouais. Bah ouais. Oh, mais putain, les gars, merde, attendez. Donc, ça donne une raison en plus de lui péter la gueule. Ah, mais lui, attends, je le vois. Ouais. Oh là, le relou. Attends, il y a Jojo qui a dit à Ben, appelle-moi du Bah ouais, il vient de m'envoyer le message, appelle-moi. Ouais, mais mec, il est 23h10, on a plus le temps. On a faim. Ah ouais, arrêtez de parler de bouffe, putain, ouais, je crève la dalle. J'ai faim de mettre une branlée à Manier. Hein? J'ai faim de mettre une branlée à Manier sur FIFA. Attends, t'as pas fait ta cul, ça va. Ouais. Je ne répondrai pas à cette provocation. Sachez que la publication sera affichée sur Facebook. J'y suis minuit et demi. Même si tu perds. Avec ma victoire. Y'a pas de soucis, j'assumerai tout, mon ami. Bah justement, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous allez jouer en duel ce soir en FIFA, c'est ça? Ouais, apparemment, on veut se faire oui, une doublette. Oui, parce que le mec, il a terminé deuxième d'un tournoi de quartier avec 3 participants. Ah, c'est dans le quartier. Non, il y en avait plus de 100. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais lui faire voir ce que c'est un vrai. Tournoi de quartier. Ok. Bon, voilà, en tout cas, en direct. Bon, allez, pour le faire plaisir, on va appeler Jojo. Oh! Bah vite fait, on sait ce qu'il veut, ça se trouve il veut dire quelque chose d'important. Ouais, okay. Allô. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux faire la chanson de la danse du saucisson. Franchement, vous nous parlez d'un gars, on en a rien à foutre, on le connaît même pas, mais moi, nous, on veut faire la danse du saucisson. c'est bon, ça sert à rien de nous emmerder, nous dire qu'il y a un gars qui critique, on s'en fout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, la danse du saucisson, quoi, merde. Ça putain, va, vous me cassez les couilles. Tu fais quoi, Jojo, là? Tu passes une bonne soirée? Eh, tu nous payes un burger, Jojo? Tu nous payes un verre, Jojo? T'es enculé, Al, déjà, Al, voilà. Non, mais je vous écoute, ouais, franchement, ouais. Ouais, bah, merde, arrête de me traiter, t'as dit que j'avais une voix ça de merde. En colère. J'avais une voix enrouée, tais-toi, hein. Ouais, enfin. Mais sinon, on fait la danse du saucisson direct? Ouais, vas-y, tu la fais en acap. Non, je vais faire en acapella, je vais le faire avec la musique et tout. Hein. Vas-y. C'est produit par Teddy ou pas? Non, c'est produit par Radio Mix Floor, le tube de l'été 2017, quoi, connard. Ah bah là, il y a bientôt Tchernobyl, il n'y aura plus d'été. Du saucisson, on ira en Chine, la danse du saucisson. Et lundi soir, c'est la danse du saucisson. Hein. Ouais. Allez. Allez, allez, allez. Vas-y, levez les bras. À la maison, c'est le bordel. Enfin, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson. Levez les bras en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, levez les bras. Et je voudrais du halal. Allez, allez, allez. Allez, vas-y dans ton manier. Bah voilà, c'est le tube. J'ai envie de chanter le saucisson ce soir. Ah mais il est grave. Il est chaud, Jojo. Jojo, t'es mais là, on est en direct, on entend un truc, regarde, allez. Mais tout seul. Non, c'est pas tout seul, connard. Il y a du monde. Vas-y, bah fais-nous crier les gens. Fais-nous crier les gens derrière. T'es chez toi là, Jojo? C'est la danse du saucisson. Non, il va pas chanter parce que... Jojo, t'es chez toi là? Ouais, je suis chez moi. Bah attends, bah on arrive, ouais, laisse nous finir l'émission, on arrive. On peut venir ou pas, Jojo? C'est ton manier. Mais vous allez vous faire enculer tous, hein, bien fort, quoi. Allez, tu ramènes une bouteille, ouais, tu peux venir, mais sinon tu viens pas. Hein. Ouais, vas-y, viens, Ben. Ouais, bah tout le monde peut venir, il a dit. Ouais. Mais vous ramenez une bouteille. Non, j'ai entendu dire à Ben qui vient. Ah, mais Ben, parce qu'on a FIFA 17, nous, ici à la maison, sur PlayStation 4. Ah, oh bah, on arrive. La Call of, voilà, mais ramenez à boire, hein. Ah, et du saucisson. Si on ramène à boire, on peut venir ou pas? Eh, tu nous as pris pour alerte, sauvez-moi ma soirée, j'ai plus rien à boire ou quoi, là? Ta gueule, je t'emmerde, moi j'ai encore un coup à boire. Hein, ah, mais t'es, bon, où, t'es où, Jojo? Ah, mais t'as pas de burger, c'est chiant. T'es où, là? On débarque en direct en live vidéo sur la page Facebook. On vient, live Facebook, on arrive, hein. T'es écoutez les gars, on se rappelle après la fin de l'émission parce que c'est une émission. Ça veut dire le faire enculer. Eh, c'est lui qui nous dit je vais chanter la danse du saucisson et après bon les gars, je vais vous laisser, vous avez une émission à faire. Là, c'est ça ouais. Au bout d'un moment branler, ouais. Bon, on se rappelle juste après que vous avez raccroché hein. appelle-moi. Jojo. Appelle-moi Jojo. Jojo. Oui, t'as mis ça busy. Ben avec mon gros petit pervers, oui hein. Ouais, c'est une petite surprise, ouais. Bande de salopes. Hier soir, je me suis bien doigté. Bon, allez, Jojo, à tout de suite, hein. Ah là là. À tout de suite, hein. À tout de suite, à tout de suite. Je vous attends, à tout de suite, hein. Ouais, on arrive, Ouais, ça marche. Bon, en tout cas. Allez, à tout de suite. Non, mais. Je pense qu'à mon avis, il va vite changer là, parce que là, il dit ça en direct à la radio, puis dans deux minutes. Oh, moi, il le dit, j'y suis là. Je suis déjà parti. Allez, bonne soirée à tout le monde, merci, bonne soirée, au revoir. Au pire des cas, auditeurs et auditrices, si vous êtes en direct avec nous et que vous voulez suivre ça, on va faire, si vraiment on débarque, on va essayer de l'appeler en antenne. On va faire un live Facebook en direct de la page Facebook Radio Mixfloor. Moi, je vous prends tous en voiture, on y va, les gars. Ok, bah, de toute façon, il habite pas loin, il habite à même pas 3 minutes du sud. On y va en voiture quand même. Ok. Bon, allez, pour terminer, dans une saucisson, c'est parti. Allez, on se la fait tous ensemble. Et ça, c'est une nouvelle chanson, je connaissais pas en fait ça. C'est la danse, l'hymne de la radio. Ah. C'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez. Et la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Et voilà. Allez, allez, allez. Bientôt la musique officielle et bientôt le clip. Voilà, j'ai avec juste toute envie l'équipe d'un bridou. Juste mettant cochonou. Ou voilà. Un petit cochonou. Bah, voilà. Merci en tout cas d'avoir passé la soirée avec cochonou, nous. Cochonou, c'est dégueulasse. Rendez-vous dès demain avec le retour du Jojo. Retour demain, évidemment, de Quentin avec le pervers qui sera demain avec nous. Qu'est-ce qu'il va se foutre dans le cul Faut que j'aille te mettre des gueules dans la radis, non hein un radis. Ouais, peut-être. Ah bah, peut-être on va demander à Quentin s'il peut essayer de demander au pervers s'il peut foutre ça, un petit radis dans le cul. Je vous écouterai. Ouais, bah ouais. Mais c'est plus la saison là des radis. Là. Rendez-vous demain, 21h-23h, évidemment. Bref, c'est vrai. Ah, c'est vrai, plus la saison, ouais. Ah, ou tu lui demandes un cornichon? Ouais, bon, après. Un petit cornichon, bah, bien non, ouais. Une courgette? Bah, ouais. Non, une courgette! T'as la réaction de Ben ce soir! Bah, non, une courgette! Merci, Ben, pour cette intervention. Récupère le son, là. Ouais, je vais récupérer le son, là. Bah, non, mais. Une courgette. Récupère, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, tu sais, comme ça, je vais recevoir le. Je vais le mettre, je vais récupérer ton son, puis quand tu vas m'envoyer SMS, maintenant ça va faire. Bah non, une courgette. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Ça fait grave plaisir. On revient dès demain 21h-23h pour Alex Libre Antenne. Mais avant ça, demain le before avec Kev. Mais c'est le bailleul ou quoi lui? Bah non, mais il me dit arrêtez les gars de faire le con, je suis quand même prof. Eh ben, c'est toi qui viens nous faire chier à l'émission, quoi, merde. Il est pas dit ton prof où? Raphaël. Ah, bon, on dit pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé la soirée avec nous. On s'enjoint dès demain 21h-23h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez Loulou. Salut à la semaine prochaine. Ça y est, c'est nouveau, ça y est, nous appeler Loulou maintenant. Oh, bah, écoute, et personne dit rien, c'est pourquoi normal. Pourquoi tu te la fais à la Nounou? Bah voilà, personne dit rien. Non, Loulou c'est mes chéris. Ouais, bah allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao, salut, bonne soirée tout le monde, ciao.